Ça oui, oui. Tu vas tirer ma fin. Viens, non, viens t'asseoir ici à côté. Elle s'assoit ici à côté alors. Ou bien. Oui, ma soeur. Comment tu vas? Merci. Tu as promené un peu. Oui, le matin là. Et t'as vu, son diplôme, diplôme de fond de formation là, c'est où? Notre soeur. Si on donne, moi en France, ça va comme un baptisé, on m'a donné ça au mari, mon pas le premier baptême, mais d'abord on était dans une église évangélique, mais c'était une prophétesse. C'est pas qu'on s'est marié. Le jour où nous a baptisé, nous ont donné ça. Après, quand il... ça c'est quelque part là-bas, mais c'est même pas où. Mais ça, c'est pour délivrance. Non, ça c'était l'autre, c'était pour baptiser. T'as pas là où? Moi, on va pas, il y a longtemps, mais c'est même pas où. Tu as oublié ton diplôme. Alors, si on te demande quoi est ton diplôme, tu vas dire quoi dans alors? Ça, dans le CV. Il faut aussi. Bonsoir ma soeur. Bonsoir. Bonne arrivée. Merci. Bon, recule-toi, tu as peur maintenant. Bonne arrivée. Merci. On prie, non? C'est toi qui vas prier maintenant. On prie. Je ne sais pas prier. Bon, on va prier. Donne-moi la main. Père, nous te sommes reconnaissants pour ce moment que tu nous donnes ici à Abidjan. Merci pour notre soeur. Merci pour cette maison qui nous accueille. Nous la saluons et nous la bénissons au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous recommandons ces moments-ci entre tes mains afin que toi seul tu nous guides au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, soeur. Amen. Merci de nous accueillir chez toi. Ici à Abidjan. Je crois que c'est toi qui dois finir ça entre tes mains. Tu n'as pas honte de ton diplôme, non? Tu as honte de ça. Alors, ma soeur, toi-même, dis. Je crois que... Moi, il n'ai pas fait école au sein café. Petite soeur est plus... Oui. Lise ce qui est écrit sur le diplôme. C'est ça, j'ai du mal à lire. Tu as du mal à lire, hein. Ok. Prends-toi lire alors. Alors, mission évangélique La Manne. Cocody Terre 1, rue 3, lot 101, îlot 6, 27, BP 702, Abidjan 27. Cellulaire 0226. Non, ça va pour le cellulaire quoi. Diplôme d'honneur. Oui. Nous sous-signer le centre d'évangélisation, de prière, de délivrance et de retraite spirituelle reconnaît par le présent document que Aïdara Assetou a achevé avec dévouement, assiduité et succès les 5 retraites spirituelles. L'unité, la communion, la sainteté, l'équilibre, la grâce avec les cours publics et afférents. Sous l'autorisation de Dieu, nous lui délivrons ce diplôme dans le nom puissant de Jésus-Christ pour la féliciter et l'encourager à mieux servir le Seigneur Jésus-Christ pour la gloire de Dieu. Félicitations ma soeur. Voilà ton parchemin de fin de formation. De la délivrance, de l'unité, de la communion, de la sainteté, de l'équilibre, de la grâce. Tu as été équilibré quoi? Alors parle-nous alors. D'où est-ce que tu savais ce diplôme? C'est la première fois qu'on entend cela, que quelqu'un a reçu un diplôme d'honneur de fin de formation pour la délivrance, au mieux de délivrance. De quoi est-ce qu'il est question au juste? Moi, j'étais parti pour ma délivrance. Oui. Il y avait besoin d'une délivrance, donc je me suis dit, c'est une copine qui m'a montré là-bas, où je suis parti. Oui. Il y avait au moins 5 retraites. Oui. Donc, c'est la délivrance, c'est le diplôme qu'ils m'ont donné. Ok. Donc, tu es allé pour la délivrance, on t'a donné ça. Oui. Et tu as fait 5 retraites spirituelles dont on parle, comme on parle ici. Oui. Donc, les 5 retraites, c'est la première retraite, c'est l'unité. Ça, je ne sais pas en tout cas. On dit ici, à achever avec dévouement. Donc, tu as été. Et puis. Assiduité et succès. Donc tu as été dévouée. Tu étais sérieuse là. En tout cas, tu t'es donné à fond. Tu t'es donné à fond. Tu étais assiduée. Tu écoutais bien. Oui. Et tu as réussi. Donc tu as succès avec les 5 retraites spirituelles. Donc la première. Et les 5 retraites spirituelles sont nommées. Il y a 2 points. Première, l'unité. Deuxième, la communion, la sainteté, l'équilibre, la grâce. Donc je veux que tu nous expliques toutes ces choses-ci. L'unité consistait à quoi, ma soeur? seulement, je ne vais pas dire. Moi, je sais que quand je rentre là-bas, moi, c'est parti pour ma prière. Oui. On a un moment de prière jusqu'à on brise, on casse, on taille. Taille quoi? Ah, les démons. Vous avez taillé? Oui. Et mais l'unité, la communion, la sainteté, l'équilibre, la grâce là, on n'a pas appris, c'était comment? Donc ça dit, vous venez seulement, vous priez, vous priez, vous priez. Il y a un moment, bon, quand on rentre comme ça, c'est là, on commence la prière. Oui. On prie jusqu'à après, on se repose. Maintenant, samedi, il y a délivrance. Oui. Dimanche encore, c'est même délivrance là. Oui. Et vous continuez à tailler? On taille. Et puis maintenant, bon, le vendredi soir, il y a enseignement. Oui. C'est tout. Comme le culte normal. Oui. Donc, c'est ça, les cinq retraites spirituelles, sinon. Bon, maintenant, la délivrance a eu lieu à quel moment alors? Toutes les malades, moi, étaient là, m'a appelé, on m'a mis au milieu, on m'a dit que c'est ma famille qui est contre moi. Donc, d'après, il me dit c'est une délivrance. Moi aussi, j'ai accepté. Oui. Ou bien. Je sais qu'il y a des trucs qui se sont manifestés, mais vraiment. Oui. Après, il a vu que non, c'était pas ça, quoi. Hmm. Rien n'a changé à moi, quoi. Oui. Mais on dit que ceci a été délivré sous l'autorisation de Dieu. Ah, c'est le pasteur qui m'a donné des. Non, pas le pasteur, le prophète, parce que c'est signé, c'est un prophète ici. Donc, sous l'autorisation de Dieu, nous lui délivrons ce diplôme dans le nom puissant de Jésus-Christ. Eh, ma soeur, pour te féliciter et t'encourager à mieux servir le Seigneur Jésus-Christ pour la gloire de Dieu. Dans ce diplôme, si tu marches n'importe où, tu veux servir Dieu, quelqu'un te dérange, tu te présentes ton diplôme de fin de formation. Quoi. Ah, mais c'est qu'il y a gardé. Hmm. Et après cette formation, ça, vous devez arriver à quel niveau? Il y a plusieurs. Il y a d'autres qui ont fait 15 même. 15 diplômes? Non. Quand tu arrives à 7e, on te donne encore. Ok. Donc, il y a 7 niveaux. Oui. Il y a, on te donne un autre diplôme encore. Oui, maintenant, quand tu arrives à 15e, encore, on te donne. Toujours, c'est Dieu qui autorise ça. Oui. Mais pourquoi tu n'as pas continué jusqu'au 15e, par exemple? Ça ne m'arrangeait plus. Comment ça? J'ai senti que c'était plus ça, quoi. Donc, je me suis plus rendu là-bas. Je crois que il serait mieux. Tu lui poses des questions. Pose des questions à notre sœur. Bon, moi je suis sans voix, hein, donc. Bon, dis-nous comment c'est normal ici en Côte d'Ivoire, ça se passe comme ça. C'est comme ça, ça se passe chez vous ici. Oui. Explique-nous combien d'endroits tu es allé et puis. Non, là c'est le seul point où ici Patrick m'a donné ça. Oui. Maintenant les autres endroits là, on va pour prier. Oui. Là-bas, chaque fois dans la semaine, dans la. Non. Les jours programmés. Chaque 2 semaines. Mmh. Chaque 2 semaines, tu partais. Mmh. Et quand tu arrivais là-bas, c'était quoi? Les prières de combat, je ne sais pas. Mais ces prières de combat, ça vous taille. Tu as des problèmes, toi-même, tu attends. Vous taillez quoi? Les démons? Les démons. Que... Voilà, c'est bien. Continue, ma soeur, continue. C'est très bien. Quoi que tu connais mieux, pose la question. On va vous tailler les démons. Mmh. Les mauvais esprits, ceux qui nous fatiguent. Non, quand tu rentres, on te dit, voici comment tu dois faire. Donc, c'est si... Là, maintenant, on te dit de faire, c'est ça qu'il fait. Tu tailles. Et donc, ils ont dit de faire comment, par exemple. C'est juste une séance de délivrance, enfin, voilà. Bon, c'est nous expliquer comment vous priez, par exemple. Vous donne, donc, quand nous rentrons comme ça, là, d'abord, on va dire merci à Dieu. Oui. Après ça, on demande pardon. Après le pardon... On invoque le Saint-Esprit, après le Saint-Esprit, maintenant, on commence à faire le combat, prier le combat. Ils n'ont pas demandé d'invoquer le sang de Jésus aussi avant? Non, là-bas, il n'y a pas d'invocation. Si on a dit, peut-être, c'est en 5 minutes, puis ça passe. Mais après ça, maintenant, on dit, on rentre dans prière de combat, maintenant. Maintenant, on dit, esprit de maladie, on commence à tailler. Esprit de fornication, on commence à tailler. Esprit de sorcellerie, on commence à tailler. C'est comme ça, ça se passe. On taille ça chaque fois. Oui, on appelle chaque esprit et puis on taille. Mmh. Et puis on les chasse. Et ça se passe. Et non, là, après ça, les gens sont délivrés. Ah, moi, en tout cas, beaucoup d'hommes sont délivrés là. Ils disent, c'est qu'ici, on est délivré là-bas. Mmh. Mais moi, seulement, je sais que je n'ai pas été délivré. Mais le prophète, lui, il a dit que tu étais délivré. Oui. Jusqu'à ce qu'on t'a donné, jusqu'à ce que Dieu lui a autorisé de te donner le diplôme. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et tu as appris, tu as dit Amen. En prenant ce diplôme ce jour-là, devant, de façon solennelle, tu savais que tu n'étais pas délivré. Je ne savais pas pour le moment, je ne savais pas ça. Après, j'ai vu que ce n'était pas ça. Quoi. Parce que ma vie était toujours même. Uh-huh. Rien n'avançait. Je dis, bon, ça, ce n'est pas la peine. Uh-huh. Mais quand il y a une délivrance, on sait qu'il y a une délivrance. Oui. Mais quand tu sais que tu n'es pas délivré aussi, tu sais que tu n'es pas délivré. Oui. Il y a toujours les couches de nuit, les mauvais rêves, tout ça. Donc avec le diplôme-là, Si vous rentrez comme ça, c'était après, fort. Après, quand même, je quitte la main, je viens la même, c'est ça, mais ça devient grave encore. Explique-nous, c'est-à-dire que l'esprit que tu as taillé là-bas. Il me suit pour venir à la maison. Il te suit pour venir à la maison. Ça n'est pas bien taillé, tu n'as pas bien limé ta matière. Il taille, tu n'as pas taillé, il va me donner tout plomb. Tu as taillé, puis tu as été taillé encore. Bon, explique-nous maintenant ton background, parce que il y a quelque chose que je vais me comprendre. Comment tu as fait pour arriver là-bas, là où on t'a les démons? Quel était, comment tu es devenu, comment tu es entré dans les choses chrétiennes où tu as commencé à marcher pour suivre Dieu? Comment? Pour arriver là-bas? Comment? Bon, pour rentrer là-bas, j'étais d'abord dans l'église catholique. Hein? Oui. Là, comment tu étais assidu? J'étais là-bas l'année passée. Cette année, mais je devais me baptiser. Oui. Bon, il y a un ami qui m'a montré la manne. Donc, quand il a commencé à aller là-bas, il dit, bon, c'est pas la peine, il est parti, il m'est fatigué encore dans l'église catholique. Donc, on t'a montré tout juste la manne, c'est là où il y a, là où on t'a les démons, là. Tu as directement abandonné l'église catholique. Donc, pour toi, c'est pas facile, c'est pas difficile d'abandonner, quoi. À l'église catholique, tu faisais comment? Marine, n'a pas... Ah, toujours à la grotte. Il y a la grotte. Quelle grotte? Vous avez creusé un trou? Où ils ont déposé la statue, là. Ok, et tu partais faire quoi, là-bas? Je partais faire réciter les chapelets. Tu as récité aussi? Tous les jours. Fatigué. J'avais long chapelet comme ça. Le rosaire. Tu as récité, je vous salue Marie fatiguée. Marie n'a pas répondu. Elle n'a pas répondu. Maintenant, de là-bas aussi, c'est allé, il y a un autre coin encore. Là-bas, on m'a fait boire lait. Boire lait. Quel est lait, bonheur rouge là. Et puis maintenant, il y a une bouteille encore, il y a l'huile d'olive dedans, du sang de Jésus. Lait comment? Le lait concentré, mais en liquide. Ah, le lait. Oui, le lait. Oh, je crois que c'est lait. Et ça, c'est quel coin? Ça, c'est à Port-Boué. À Port-Boué. C'est pas, papa Florine, ils appellent. Ah oui, d'accord. Attends, déjà, donc vous venez là-bas. Ok, donc vous venez là-bas, on vous donne le lait à boire comment? Que tu as des carences en calcium. Avant de te recevoir, tu dois boire le lait d'abord. C'est ça qui est sang de Jésus, non? Non, le lait à pas, puis sang de Jésus, c'est huile d'olive là. Ah, c'est dans les bouteilles, il a fait la déposer. Yeah. Il dit chaque nuit, quand tu finis, on te propose quoi. Puis il y a un autre aussi, c'est en poudre, tu fais purige avec. Donc, puis jamais, mais quand je fais comme ça, souvent, il y a des cordes comme ça, longs comme ça, qui sortaient de mon ventre. Oui, c'est ça. Bon, il y a d'autres qui venaient dire qu'ils voient ces femmes qui sortaient de en réalité. Oui. Mais moi, c'est dans mes songes. Oui. Quand ils là, ils voient les pitons là, c'est ça qui sortait. De toi. Oui, de moi. Mais donc, moi, je suis parti, je suis allé l'expliquer, mais c'est la délivrance. Attends, je veux qu'on explique, parce que les gens qui nous écoutent peuvent ne pas bien saisir ce qu'on a dit. Mm-hmm. Donc, il y a un autre endroit où vous allez, on vous propose, il y a quel gadget? Il y a le sang de Jésus. Et le sang de Jésus là, c'est l'huile d'olive qu'on a mis. Oui. Il y a les poudres. La poudre là, c'est fait à base de quoi? En tout cas, ça c'est un milieu. C'est comme si c'était la sang quand on vend. C'est l'encens. L'encens, voilà. Oui. Parce qu'elle m'a emmené ici. Quand j'étais enfant, j'ai utilisé c'est l'encens. Oui. Et tu mets dans l'eau pour faire des lavements. Elle est pirigeoise. Voilà. Et après, ça te sort des trucs que toi-même tu ne sais même pas. Oui. Maintenant, quand je suis arrivée une fois en Côte d'Ivoire ici, elle m'a emmené là-bas. Oui. Ils m'ont donné, comment on appelle, bonnet rouge. Oui. J'ai bu. Oui. Après, il y avait, comme elle dit, le sang de Jésus. Là, j'ai bu aussi. Après, il m'a donné quoi? Huile. C'est même le sang de Jésus. Bon, je suis partie après. Mais moi, arrivée en France, j'ai jeté, j'ai plus confiné. Bon, donc, il y a l'huile, il y a le lait. Oui. La marque là, c'est le bonnet rouge. La marque bonnet rouge. C'est eux qui fabriquent ça, la marque là, ou bien? La Côte d'Ivoire. Ok, donc ils achètent. Ça vient de Hollande. Ok. Et là, maintenant, ils ont ça là-bas. Vous prenez là-bas chez eux ou bien vous achetez pour venir avec? Non, quand ils payent là, ils vident ça dans des casseroles. On dirait qu'ils ajoutent des œufs dedans. L'œuf dedans. Oui. Puis là, ils mélangent et puis ils mettent le sang de Jésus encore dedans. Oh. L'huile là. Oui. Ils mettent dedans puis ils attachent 1000 francs, 1000 francs. Ils attachent maintenant dans les sachets. Oui, ça. Vous achetez là-bas 1000 francs. Oui. Maintenant, le sang de Jésus, c'est 3000. Mais purige, là, le paquet, c'est 4500. Bon, maintenant, avant d'avancer, toute cette pratique, il pose d'abord la question pour qu'on soit bien clair que ça, nous sommes un milieu chrétien. Ce sont des chrétiens. Mais c'est une église, les samedis, on se rend pour adorer. Ben, en fait, ils se font appeler une église, c'est pas une église. Mais ok, là, maintenant, la pratique qu'ils font là, votre bonnet rouge et bonnet blanc là, c'est la pratique chrétienne, ou bien c'est comme la Bible dit que vous sucerez le lait des nations. C'est ça dont ils disent pas. Ouais, c'est si, ça. Ils n'ont plus les versets dans la Bible pour nous dire ça. Quand donc, vous allez boire le lait. et puis j'ai avec l'encens là. Ils ont là, plus ça. Ils n'ont pas trouvé ça dans la Bible. Mais ils ont dit qu'on peut prendre ça pour se. Pour se purger. Ok. Donc au moins ils ont dit que Dieu avait dit que Israël doit hériter la terre où il y a beaucoup le lait. Mais le bonheur. Non, ils ont dit, si c'est Jacob ou bien quelqu'un qui a donné le lait à quelqu'un. Là. Oui. C'est dans la Bible, c'est cette partie-là, ils prennent pour nous dire. Pour que le lait fasse quoi? Non, c'est pas. C'est quand tu prends le lait, tu dégages seulement. Tu dégages seulement. Oui. Et pour le sang de Jésus, ce qui est devenu l'huile là maintenant, comment ils expliquent? Ah, ils disent c'est pour te protéger avec. Bon, ok, explique-nous. Ça, quand tu es allé là-bas, tu as appris, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, moi, quand je suis parti là-bas, c'était pour que je puisse voyager, parce qu'il y a beaucoup qui ont rendu témoignage, ils sont partis là-bas, les visas, ils ont eu visa, ils ont eu ceci, ils ont eu ceci. Donc nous sommes partis comme ça. Mais rien n'a marché pour moi. Ou bien peut-être tu avais seulement la malchance partout. Chez Marie, Marie te rejette. Tu pars chez celle-là, on puge, même ta part ne sort pas. En tout cas, partout où il est passé, il n'y a pas un qui a marché. Bon, quel est le vrai problème avant d'avancer jusque-là, avant d'avancer? C'est parce que c'est sérieux. Est-ce que là-bas, dans les endroits où tu y es allé, est-ce qu'il y avait beaucoup de monde qui y vient? Ah, il y a trop de monde. Plein de monde même. Et chacun achète comme ça chaque fois? Oui. Actuellement, à la maison, je suis là à la maison, lundi jusqu'au vendredi. Les gens vont le retrouver à la maison. Oui. Maintenant, il avait un grand terrain là, le samedi, c'est là-bas, on va être prié. Oui. Mais maintenant, il n'est plus sur le terrain, il paraît qu'il a fait... Il a construit une grande maison. Oui. C'est là-bas les gens sont. Les gens vont là-bas, mais moi, je n'ai pas mis mes pieds là-bas. Oui. Donc, il a été baptisé là-bas en plus. Oui. Et donc, ça, avec les contributions qu'il a fait maintenant il a construit maintenant un bon endroit. Oui, c'est ça. Il a fait un château. Et pour le rencontrer, maintenant, vous payez. Mais c'est toujours de la même manière. Là. Okay. Quand tu rentres, tu dois payer le lait d'avoir. Tu fais le rang. Donc, si tu veux faire le prier, premièrement, sans on achète toujours. Quand tu arrives là-bas, il y a des gens qui sont à la porte, ils vont t'accueillir, ils vont dire, ah, avant de rentrer, il faut boire le lait d'avant. Et si tu refuses? Tu peux rentrer aussi. Oui. Et quand t'assois, tu vois, il a mis une télé là. Oui. Il montre les gens qui étaient. Ok, guéris. On fait la. Voilà, ceux qui étaient guéris, ceux qui ont eu les visas, ceux qui étaient. Et là, quand tu t'assois comme ça, tu dis, ah, il faut que moi-même je fasse ça. Oh. Non, c'est une télé qui est là, tu regardes tout jusqu'à ce que ton tour arrive, puis tu t'approches de lui, tu lui expliques ton problème. Mm. Puis maintenant, il te propose les trois là. Que c'est ça la solution. Oui. Courage, d'accord, ma chérie. Quoi d'autre? Et après là-bas? C'est après là-bas, il s'est parti dans l'église catholique. Là. Après Papa Florian. Mais lui-même, les catholiques, Papa Florian, il travaille. Non, avant, je. Bon, comme nous-mêmes, on est musulmans, on ne priait pas. C'est vrai. Justement, je voulais poser la question par rapport à le fait que la transition entre comment tu as fait pour quitter la partie musulmane, c'est ça où ça pose problème. Parce que j'ai remarqué ça, pas seulement sur vous, en Côte d'Ivoire, cette mixité-là. On peut quitter des chez musulmans dans la religion chrétienne sans transition parce qu'on ne pratique pas. Donc, allons-y dans la base, à la souche, tu es musulman. En fait, on est musulman du côté maman, papa. Oui. Et notre mère est décédée. Moi, j'avais 2 ans. Oui. On n'a pas connu notre maman. Oui. Elle est morte. Et mon papa, c'est quelqu'un qui a été dans l'armée dans le passé. Donc, oui. Quand il arrivait en Afrique, ici, il voyageait beaucoup. Oui. Donc, ce qui fait que quand notre maman était décédée, on n'avait personne pour nous prendre. Donc, on a été élevé. Moi, par exemple, dans une famille ébriée chez les Akans. Et elle aussi, elle était chez les Akans, c'est une tribu ici. Oui, d'Abidjan. Ok. Donc, on a été élevé par des. Moi, par contre, on est voilà, différemment. Chacun est parti de son côté. On nous a tous accueillis. J'étais d'abord chez les Atiers et après chez une famille ébriée qui m'ont élevé. Et c'est comme ça, moi, j'ai commencé à aller à l'église. Mais c'était à l'église catholique. Je chantais même à la chorale. J'ai chanté quand en 2000. J'ai commencé à 13 ans. C'était enfant de cœur. Non, j'ai pas fait ça. Mais je chantais à l'église simplement dans la chorale. Ok. Jusqu'à mes 20 ans, j'ai arrêté. Puis quand j'étais dans le monde après, j'ai commencé à gazir. tu t'es égaré. Oui. Et en même temps, de ton côté, toi, tu étais comment alors? Moi, c'était la même chose. Oui. De mon côté, moi-même, je me promenais bien, mais oui. J'étais toujours dans les maquis, les boîtes de nuit. Oui. Tu jouais la vie, quoi. Voilà. On partait consulter les marabouts. Les marabouts. Tout ça. Pour savoir comment la vie ne donne pas pour nous. Voilà. Oui. Comment la vie ne donne pas pour nous. Bon, un jour comme ça, c'est elle qui m'a appelé. Elle m'a dit non, qu'elle a croisé une dame. Elle dit ce n'est plus la peine d'aller chez les parabous. Ça m'a dit, il dit bon, il n'y a pas de souci. Donc elle m'a montré la dame, je partais là-bas d'abord pour prier. Bon, elle, c'était à la maison, c'était celui de prière. Elle partait prier, elle m'a dit. Elle est la prophétesse, hein? Non, elle, c'est une autre dame. Okay. Elle n'était pas prophétesse, mais elle faisait des prières voilà. Chez elle. On partait prier un peu. Bon, je suis resté un moment, après ça m'a fait bizarre. Bon, je l'ai quitté. Quand je l'ai quitté, c'est ça, maintenant, je me suis retrouvé. C'est papa Florian. Papa Florian, c'est qui? C'est le vendeur de lait. Vendeur de lait. Saint-Jésus. Oui, oui. Et là, tu disais que lui, le papa Florian était catholique aussi ou quoi? Non, lui n'est pas catholique, mais la plupart des gens qui vont là-bas, ce sont les catholiques qui sont là-bas. Pourquoi ça? Je ne sais pas. Et là, ils habillent comme les prêtres catholiques? Non, ils s'habillent normalement, mais au moment où moi j'allais quitter là-bas, il a dit que le Seigneur l'a dit qu'il n'a qu'à s'habiller. Avec la touche. Voilà. Ah, parce qu'on le voit habillé même. Lui-même là. Okay, toi, tu le connais? Sur Internet. Ok. Lui-même, il était dans l'église, comment on appelle, où ils ont dessiné, là, comment on appelle ça? Christiane Céleste. Voilà, c'est là-bas, il était. Lui, c'est là-bas, il était. Voilà, parce qu'il ressemble bien, il a cette allure. Là. Il était là-bas d'abord, avant qu'il dit qu'il a croisé le Seigneur d'abord, lui met dans son rêve. Quand tu arrives, c'est ce qu'il t'explique. Donc, non, on souffre encore du bois. Donc, le Seigneur l'a envoyé pour nous sauver. Ah, non, son intérêt, quelqu'un pour nous sauver. Dieu va nous sauver par quelqu'un. Bon, on s'en va. Il vous vend le lait de Jésus. Il a croisé le fou Jésus dans son rêve. Mais ça veut dire que c'est fort ici en Côte d'Ivoire chez vous. Très fort même, très très fort. Comment vous faites pour vous en sortir dans tout ça? Comment les gens doivent faire? Qu'est-ce que les gens doivent faire pour s'en sortir dans tous ces milieux-ci? C'est pas facile ainsi. Actuellement, les filles que moi je priais eux là, donc actuellement quand je les ai dit, ah c'est pas le bon chemin, vous êtes dessus là, elles sont tous énervées contre moi, donc moi je les ai laissées, où elles sont? Mais oui, parce que le chemin, elle ne veut pas avoir un chemin difficile, il faut que ça soit facile. Parce que quand tu dis aux filles, non, il ne faut plus mettre les mèches, il ne faut plus porter de pantalon, tout ça, elles vont te dire, mais qui va payer ma maison? Ok. Qui va s'occuper de moi? Je ne peux pas rester sans les mains, sans les pantalons. Et il faut pas le pantalon. Maintenant, quand on porte le pantalon, ça fait entrer de l'argent comment? Mais c'est prostitué. C'est ah, ok, quand ok. Qui travaillent dans les bars, c'est des filles qui travaillent dans les bars, elles ont plusieurs gars. Donc, elles peuvent faire cela comme ça et puis elles rentrent faire l'église après. On ne les dérange pas là-bas. Non, là-bas. Non. Parce que là-bas, on ne va pas te dire pourquoi. Elle travaille dans le bar, elle travaille matin, soit on dit à prier. Parce que soit on dit à prier dans tous les églises, on s'en va. Soit on dit c'est ici, on s'en va, on sort. Elle quitte la même, souvent même elles vont pas à la maison. Même bon, avant de venir, elle s'habille normalement comme ça. Oui. Maintenant, le soir, avant de partir, et le matin, avant de partir aussi, elle reporte les habits parce qu'elle vient se changer. Oui. Souvent, elle quitte dans le bas sans aller à la maison, mon puis plus, elles sont dans les églises. Là, elles servent encore. Oui. Elles chantent bien. Ah, c'est quel style de vie comme ça ici? Ah, ça, c'est ici. Et là, dans ces endroits où partir, on ne prêche pas contre le péché et autres. Non, et là-bas, là, ça, c'est pour. Comment on appelle? On te prêche, on te dit il y a la prospérité, tu vas voyager, tu vas te marier. Ta vie va changer, c'est ce qu'on nous disait ici. Hein. Vous dites Amen. Amen. Mais au niveau, vous êtes contente. On est très contente. Ça va l'argent. Si tu n'as pas l'argent, si tu ne peux pas partir, parce que tout ce qu'ils vont dire, il faut que tu sèmes. Ce qu'on dit, il faut que tu sèmes. Pour dire Amen, il faut s'aimer pour que ça marche pour toi. Mais ça marche pas. Prophétie, mais ça ne marche pas pour toi, tu es dedans ce jour. Bon, dis-moi pourquoi donc tu es quitté ici. Depuis que tu es quitté, qu'est-ce qui se passe à la manne? Tu es allé manger la manne, tu as dit que cette nourriture dégoûtante là. Quand je suis venu même là, c'est par rapport à une amie, mais elle, toujours qu'on voit là-bas, je ne comprends pas. Et quand elle vient, elle devient plus pire. Est-ce ton amie là? Oui, ma camarade. Oui, donc elle t'amène là-bas, elle devient plus pire comment? Bon, on va la prière pour que le Seigneur se souvienne de nous, mais quand elle vient là, parce que ses mèches, moi je lui parle toujours, je dis, ah les mèches sont pas avancées, maintenant elle va porter les petites kilos, toi viens me chercher, viens te dire, mais ça là, on va prier toujours, on tombe là-bas, puis on revient là, on est toujours dans la même chose. Et chaque fois qu'elle parle, on prie, elle tombe. Pour elle, seulement c'est tombé. Tomber, tous les jours elle est blessée, tous les jours elle est blessée, tous les jours elle est blessée. Mais ça, pour elle, ça sent plus de jour en jour, ça finit pas en elle. Ah, c'est là, attends, moi j'ai trouvé une solution. Bon, j'étais couché un coup comme ça, puis. Mon esprit est parti, il faut prendre, comment on appelle, YouTube. Ton portable à regardé sur YouTube. C'est ça, c'est parti, c'est tombé. D'abord, il a écouté Georges Maman. Oui. Il dit, il aime insulter les gens, hein. Ça là, il se passe là. C'est lui qui connaît tous les faux prophètes. Ah, c'est bon. À ce moment, il n'est pas encore écouté pour toi. Il dit, oui. Bon, je vois les gens qui l'ont montré, que je sais qu'ils sont venus à Porte Ouest. Il dit, toi, t'es monté. Est-ce que les gens venus à Porte Ouest, les gens, ils ont eu une grâce. Donc lui, il a zappé ici pour lui. Yeah. Lui, maintenant, il s'est tombé ici pour toi. Il s'est resté la nuit jusqu'à 5h du matin. Il a écouté. C'est ça, il s'est tombé ici. Le jeune là, qui dit lui, parlant en langue là. Oui. qu'il dit, c'est un esprit qui lui fait parler. Là. Oui. C'est si lui d'abord il écoutait. Ça, c'est intéressant. Satan me donnait des prophéties pour les voir. Voilà. Ok, ok. Et si il rentrait un peu, puis il écoutait un peu, peut-être au moins c'est comme ça, puis il me s'est endormi. Quand je me suis levé le lendemain, après, il a commencé un peu, puis après, j'ai appelé. Quand il a appelé net, il m'a donné le numéro des frères là. Puis j'ai appelé. Quand j'ai appelé, ils m'ont indiqué le compte. Puis j'étais rappelé pour dire, ah, ils m'ont reçu. Oui. Donc en même temps, la même semaine là, c'est ça, il a écouté. Bon, maintenant. Quelle est la différence? Quand tu es allé à la manque pour manger, boire le lait de l'autre côté là-bas, tu es allé là-bas, c'est un endroit simple où les gens sont simples. Ça ne t'a pas fait fuir en disant que, hey, ici, il n'y a pas la prospérité. Bizarrement, ça ne m'a pas fait peur. Parce que quand je suis arrivé, c'est là même j'ai vu que là-bas, on lit la Bible. Oui. Et... Attends, dans tous les endroits où tu partais là, tu n'avais pas de Bible? Si, il y avait une Bible, mais c'est pas, on ne va pas en profondeur. Oui. Si on a pris une page là, c'est fini. On prend un verset, des versets. Voilà. Ok. Bon, la marche, bon, quand je partais là, les trucs, si on est dans Colossiens comme ça, là, on lit deux pages. Oui. Maintenant, l'autre, deux semaines encore, si on savait qu'on lit deux pages, c'était comme ça pour partir, pour que ça finisse. Oui. Donc, je n'avais pas terminé, puis j'ai arrêté. Bon, les autres pages là, je n'étais pas rentré dedans. Mm-hmm. Bon, quand moi j'ai commencé à aller là-bas, j'ai vu maintenant qu'on lisait bien la Bible. Catholique aussi, je faisais, comment on appelle je passais pour me baptiser. Oui. Là-bas, catéchèse. Il n'y a pas de Bible. C'est, ils ont fabriqué les cahiers, les livres pour nous donner. Oui. Et ça, tu dois payer forcément pour aller regarder dedans. Oui. Donc partout, c'est l'argent. Partout, c'est l'argent. Il n'y a pas l'argent aujourd'hui, tu t'assois à la maison. Oui, c'est terrible. Donc, toi, tu as fui, tu l'as laissé, tu l'as abandonné ici au Cameroun. À Côte d'Ivoire. Ah, ici, en Côte d'Ivoire. Tu l'as fui, tu l'as laissé dedans. Et là, comment toi également, comment tu as fait pour t'en sortir pour arriver sur Bamba Iba? Parce qu'elle a dit qu'elle est restée. Tu dis, comment tu dis tu es couché et puis que je te viens que va sur Internet? Mais qui t'a parlé que va sur Internet alors? Ah, non, je ne sais pas. Moi, il fait ça comme ça. Ok. Et comment toi tu es aussi entré en contact aussi? C'est elle qui m'en a parlé. Au départ, je lui dis pardon, arrête. C'est histoire. Donc, quand tu trouvais Marabout, tu lui disais. Tu oui, trouvais une femme. Alors, c'est Marabout, là, c'est un mec qui m'a dit. C'est moi mon défi. En fait, moi, au début. Souvent, même là, elle est là-bas, non? Et puis, elle envoie l'argent. Puis, moi, il regarde l'argent. Il dit, mais vous êtes malade. Moi, j'en ai pour moi. Puis, il dit, ah, j'ai payé. Si je dis de payer pour lui, il ne paye pas pour lui. Il dit, moi, mais je paye moyen pour lui, là. Il m'a soeur, il m'a bien mes enfants. Il sait que toi tu as bouffé, mais il dit moi j'ai payé pour lui là. Moi, pour lui, là. Que les marabouts demandent poulet alors que toi-même tu as besoin de poulet ici là. Quand que l'argent vient de ma mère, moi je n'ai rien. Je vais les donner à marabout, toujours me mettre dedans. Mais la dame qu'elle m'a amené chez la femme là, il n'y a pas longtemps, mais je l'ai croisée, c'est qu'elle m'a vu, elle s'est déchaînée. Elle est fâchée. Oui. Elle dit c'est moi, il est passé, je ne sais pas ce qui se passait, parce qu'il s'appelait au téléphone. Oui. Si elle lui donnait l'argent, moi, je ne sais pas. C'est sûr que c'est elle qui lui a dit. Elle dit sorcière, à cause de toi, ta soeur, elle n'envoie plus l'argent. Toi, tu es mauvais, ton cœur est noir. Moi, regarde mon fan. Il y a 7 enfants, mes enfants peuvent s'occuper de moi. Il s'est arrêté comme ça. Tout le monde me regardait. On dirait que quelque chose a fermé ma bouche. Il n'a pas parlé. Parce que peut-être quand l'argent, c'est parti, tu viens la payer. Il dit t'es vu, t'es sorcière là. Elles ont commencé, on m'insulte partout. Que c'est à cause de moi. Tu n'envoies plus l'argent, qu'est-ce qui se passe? Elle dit non. Ils ont arrêté, elle est déjà fâchée. Ah! On dirait qu'on a famille. On n'est pas famille, c'est elle qui est partie chez toi, c'est tu la vois plus. Tu la vois plus, moi je partais chez toi. Mais on dit que c'est toi qui as bloqué quand on ne voit plus l'argent. Parce que moi je partais là-bas, souvent elle me dit de consulter, je ne veux pas. C'est à cause de même, moi je partais faire des trucs, moi je m'en foutais souvent. Parce que moi j'avais mon coin à terre civile. Oui. Là-bas, là, j'étais pour aller m'asseoir pour boire mes bières. Oui. Donc, eux pour elle, si ils envoient l'argent, quand ils regardent souvent, ils disent. Ça vaut mieux d'aller là-bas. Ils me fatiguaient tout la vie. Oui. Toujours on fait, il n'y a pas de résultat. Oui. Toujours on fait. Là, c'est eux-mêmes qui gâtent au prix, mais là, ils ont besoin d'argent, on vous appelle. Oui. Vous avez besoin d'argent. Tu peux boire un peu à très vite. Oui, moi, c'est parle-nous. Donc, comment tu es arrivé? En fait, moi, quand j'étais ici, je sortais, je m'ennuisais avec mes copines. Et puis, j'ai une copine métisse qui est en France, et puis une autre ici. C'est les deux, à chaque fois qu'elle venait. C'est qu'elle ici, souvent me disait accompagne-moi. Donc je partais l'accompagner, je voyais faire son. Elle venait apprendre, elle lui donnait l'argent. Je suis rentrée dedans. Et c'est qu'en France, quand elle arrivait, elle me disait aussi accompagne-moi à tel endroit, je partais l'accompagner. Donc j'ai pris goût. Ah, c'était chez les marabouts. Chez les gens qui lancent Cori. Bon, c'est marabout. Elles sont en France, elles partent chercher quoi chez les marabouts juste pour pouvoir maintenir les hommes. Je sais pas, parce qu'elles font les trucs, elles partent avec après. Donc je sais pas réellement c'est quoi. Elles partent chercher les hommes là-bas. Voilà. Et moi je partais les accompagner. Après j'ai vu, j'ai dit, mais ah, si elle a fait ça, ça a marché. Moi aussi, j'ai essayé. Mm. Comme ça, je suis rentrée dedans. Mais pour moi, ça ne marchait pas. À chaque fois que je faisais, il n'y avait rien. Mm. C'est maintenant même, ça s'est aggravé. Quand tu dis, à chaque fois qu'elle faisait, tu faisais quoi au juste? Ben, par exemple, quand je vais lancer le courrier, elle va me dire qu'il y a. Tu vas voir ça, faut payer cola ou bien faut acheter mouton, faut payer ça, un œuf tu as cassé. Mmh. Mais quand je fais ça, c'est maintenant mes problèmes s'aggravent. Pourquoi bien faut lui partir ton mari, faut le mettre dedans aussi. Elle parle, elle veut esquiver, je pose la question, elle essaie d'esquiver, elle contourne, elle veut pas parler de ça quoi. Non mais je parle du début parce qu'au début je n'étais pas encore mon mari. J'étais okay. D'abord mariée une première fois et j'ai divorcé après. Mmh. Et après quand j'ai connu mon mari, elle était je suis aujourd'hui, je l'ai emmené dedans. Parce qu'il avait des petits problèmes au travail avec ses collègues. Mais lui, il est un blanc. Lui. Il croit au marabout aussi. Mais parce qu'ils font chez eux aussi. Attends, les blancs font aussi les courriers. Ils font plus même qu'ici. Ils sont graves. Comment? Ben, je te parle de quelque chose. Les militaires français que tu vois là, ils consultent plus que même nous ici. Ils sont plus graves que nous. Attends, il y a aussi les marabouts chez les blancs. Il y a des marabouts. Plus qu'il y a des Africains là-bas. Mais aussi, il y a des Français qui font de la magie. Ils vont regarder, ils ont les chapelets. Il y a toute la Vierge Marie. Ils font disant qu'ils parlent avec. Les anges. Les anges, voilà, l'au-delà. Ok, dans les médiums. Les médiums, voilà. Donc, eux, ils font déjà, voilà, là-bas. Et je ne sais même pas comment ça arrivait. Une fois, mon mari, en fait, on n'était pas encore marié, m'a posé la question. Puis je dis non, je connaissais une femme, on va partir. Et moi, je l'accompagne parce qu'il avait des problèmes avec un de ses collègues au travail. Oui. Et on est parti. Et c'est comme ça que je l'ai mise dedans. Lui et moi, maintenant, tous les deux matins, on a fait le parcours. Hein. C'est quand je tombe sur la femme où je l'ai emmenée pour prier là. On a arrêté avec les marabouts et on priait avec cette dame. Oui. On a prié 2 ou 3 ans avec cette dame. Oui. Elle m'a, parce que un jour celle-là, elle m'a amené chez une. Elle dit quand je vais chez les marabouts, si ça marche pas, elle connaît quelqu'un qu'on a présenté, elle m'a amené là-bas. Oui. Elle m'amène chez cette femme. J'ai pris mon billet, je suis venue voir la femme. Hein. J'arrive. Elle dit d'amener le caleçon de mon mari, Seigneur. Le caleçon de ton mari. Il n'a jamais su ça. C'est la femme là qui a dit ça. Oui. Je suis venue avec ça. On est parti chez elle. Elle dit que ma vie va changer. Mais en fait, mais je ne sais même pas pourquoi je suis allée faire ça. Sérieusement, je ne sais pas pourquoi je suis partie faire ce truc avec elle. Elle a fait tout l'eau, me laver. Je me suis lavée pendant 3 jours. Après, je ne sais pas qu'elle allait à la morgue. Ah là. À la morgue. La morgue. À la morgue, voilà. Là où on met les cadavres. Où on met les cadavres. Ah. C'est là-bas, elle est partie, elle, truc de mon mari. Le caleçon, là. Caleçon, là. Et puis, elle a donné un truc à ma grand-soeur, qui m'a donné, c'est moi. Parce que moi, à chaque fois qu'on donnait, j'avais peur. Donc, c'est elle qui partait toujours pour les trucs comme ça. Oui. Donc, elle partait en terrain. Donc, c'est elle la capitaine courage. Voilà, c'est qui? Qui est courageuse. Mais elle, c'est vrai qu'elle a dit qu'elle est partie, mais elle n'est pas partie. Elle mentait. Elle ment. C'est après, j'ai su qu'elle prend l'argent des gens, elle s'est entretenue les hommes. Attends, la marabout là. Oui, elle s'est entretenue les hommes. Après, elle revient. Elle était à Ben. Non, elle n'est pas à Ben, elle est Baoulé. Baoulé, c'est quoi? C'est une tribu d'ici. Oui. Donc, elle prend votre argent comme ça. Quand vous tournez, elle dit que. Voilà, elle s'en se promenait, elle revient, dit non, je suis parti faire. Le travail. Maintenant, elle a oublié que moi, il y a ma soeur qu'elle a travaillé pour elle. Oui. Maintenant, elle me prend pour faire son associé. Oui. Maintenant, quand on lui donne l'argent, elle dit ah. On ne va pas payer quelque chose hier. Alors on va manger à l'eau. Le monsieur va venir nous trouver. Il est en bord. Mais c'est toi qui as proposé ta soeur parce que tu as payé le billet d'avion pour venir. Comment tu as fait pour trouver cette marabout là aussi? C'est une copine qui m'a montré. Un coup, on est là, on voit, elle était plus malheureuse que nous. Seigneur, pardon, elle n'était pas plus malheureuse, mais elle n'avait rien. Un coup, elle a évolué. Donc, du coup, moi, c'est pour le coup. Un coup, elle a évolué. Et tu as dit, ah. Oui. Ma petite soeur, elle veut évoluer, donc elle a appelé. C'est comme ça. Oui. Ça, elle a. Elle, ce qu'elle fait, elle sent plus les feux au marché là. Oui. Les feux, si tu as mal au nez, on met dans tes yeux là. Oui. Et ça, elle paye, elle met dans l'eau, puis elle te lave. Oui. Mais là, elle a fait petit montagne, comme petit. Elle a pris. Sable rouge. Oui. Elle a déposé. Oui. Elle a fait, c'est devenu dur. Oui. J'ai dit que c'est son génie qui est là. Elle même a fait ça pour mentir. Pour mentir. Tu vois, donc, mais quand lui donne la. Quand lui. Donc, je ne voulais pas que tu t'énerves. Donc, quand lui donne la. Quand il donne l'argent, elle pense qu'elle s'en fait ses business. Elle mange bien. Parce que quand tu lui donnes l'argent, tu dis ah, alors ça dit non. Moi, mes génies là, pas que je vais à quelque part, moi, mais j'allais faire. Oui. Et puis, il y a des sacrifices là. Oui. Maintenant, quand j'ai su que c'était comme ça, donc je me suis détaché d'elle. Donc c'est comme ça qu'elle trompe les gens. C'est comme ça qu'elle trompe les gens pour prendre argent. Mais bizarrement, cette dame aussi, elle a fait au moins 7 enfants, chacun son papa, papa, papa, papa, papa, papa. On ne comprend pas. Bon. Donc du coup, moi je suis arrivée en France avec le caleçon de la morgue là-bas. Voilà. Je ne voulais pas mettre ça chez moi. Il a fait tout possible pour arriver chez sa maman parce que mon mari était chez sa maman. J'ai mis ça dans ses affaires. Et après, je voulais mon mari. Maintenant, je partais dans les bois de nuit pour m'amuser. Quand mon mari arrive à la maison, je l'insulte. Quand je n'étais pas encore mariée, je l'insulte. Je lui dis, sors de chez moi, dégage. Mais qu'est-ce que tu prenais? Je ne sais pas. Pourtant, j'avais eu un enfant avec lui. Hein. Je me suis séparée de lui. Je partais dans une autre ville et je suivais mes copines pour aller m'amuser. Et une fois, j'ai une copine qui m'a demandé de l'accompagner en Suisse. Et c'est parti l'accompagner en Suisse. Elle partait voir ces gars là-bas. Donc, je l'accompagne. Arrivée là-bas, je me suis posé plein de questions. Je me dis, ah, si la vie est comme ça, c'est pas bien. Et je suis retournée en France. Et j'ai une cousine qui a parié, elle est venue à la maison. Elle parlait avec une de ses tantes dont j'ai présenté qui prie, cette femme dont elle partait prier. Et la femme m'a dit, ah, tu es parti quelque part, on t'a donné des choses pour l'homme avec qui tu es. Je lui dis oui, elle ne me connaissait pas. Comment elle a su, donc moi ça m'a effrayé, je lui dis oui. Elle dit, Dieu me dit, il faut que tu ramasses tout ça pour jeter. Parce que si tu ne jettes pas là, ce qui va t'arriver, c'est ça sera grave que tu vas mourir. Donc j'ai eu peur. Tu as entendu la mort là, tu as dit que non. J'ai tout ramassé, j'ai jeté. Et elle me dit que l'homme, il y a une personne qui vient chez toi, tu as eu un enfant avec lui, tu le mets tout en dehors, mais la personne là, il faut le reprendre, c'est ton mari. Oui. J'ai dit à moi, lui, il faut le reprendre. Donc, d'abord, j'ai fait ce qu'elle a dit. Après, elle m'a dit, bon, il lui a dit, mais le gars, il est déjà parti, il est parti à quelqu'un d'autre. Comment tu me demandes maintenant d'aller le reprendre? Puisque maintenant, quand il arrive, il fait comme s'il ne voit plus. Comment le conquérir alors? Voilà, comment je fais? Elle me dit, bon, on va prendre une semaine de jeûne, tout et tout, amène l'argent. Moi, quand je dois jeûner, je dois payer tant de temps. Donc, je fais venir. Donc, même là-bas, il faut l'argent pour jeûner quoi. Elle va payer les fruits le soir pour couper tout et tout. Donc, ça, c'est où ça? C'est en France ou en Suisse? C'est Abidjan. Donc, j'ai amené l'argent. On a commencé. Donc rien, tout ici, ça s'achète à Abidjan. On achète le lait, on mélange le sang de Jésus, on met dans le sachet, ça devient 1000 francs. Deux semaines, on a jeûné pendant deux semaines. Et après, elle m'a dit, quand ton mari va venir, tu vas tomber enceinte d'un garçon. Et quand il est venu, au départ, mais pour qu'il revienne, c'était pas la veille. Parce que quand il vient, je l'appelle, là, c'était difficile, il ne veut plus me voir. Il dit, ah, mais pourquoi le Seigneur me dit que son mari et puis le monsieur ne veut plus me voir? Non, mais resté dans la prière, aussi dans la prière. Un jour, il est venu, je l'ai invité quelque part, il est venu, mais on est parti. Et il m'a dit, c'est lui qui m'a posé la question, est-ce que je ne connais pas une église? Je lui ai dit, ah, j'ai une prophétesse, une Ivoirienne qui a une église. Lui-même encore, hein? Voilà. Tu l'as piégé, tu l'as envoyé que là-bas. On est parti. Pour qu'elle arrange directement. On est parti. Non, parce que l'autre déjà m'avait déjà dit que c'est mon mari. Mais il fallait qu'il revienne. Donc, quand il est revenu, on est parti à l'église ensemble. Mais par contre, la prophétesse, elle, quand je suis allée la voir pour prier avec elle, elle m'a dit que ce n'était pas mon mari. L'autre prophétesse, elle m'a dit que ce n'était pas mon mari. J'ai dit, mais Dieu ne peut pas dire ici que c'est mon mari. Et là-bas, il va dire que ce n'est pas mon mari. Bon, je laisse comme ça. C'est la première qui m'a dit que c'est mon mari. Je vais continuer, puisqu'elle m'a dit qu'il allait revenir, il est arrivé. Donc, je vais continuer avec elle. Mais entre-temps, je partais dans l'autre église. L'autre m'a dit que ce n'était pas mon mari. Après, c'était devenu mon mari. Donc du coup, on est resté, on partait à l'église ensemble, mon mari est venu, il m'a dit, bon, si tu veux, on revient ensemble, on est revenu ensemble. On partait à l'église de cette prophétesse là, qui est en France là-bas, on partait. Et moi, un jour, j'étais venue pour mon divorce en Côte d'Ivoire, c'était prononcé en France, je suis venue ici en Côte d'Ivoire pour faire les papiers. Et à mon retour, quand je suis rentrée, il était parti voir la prophétesse, me demander un mariage. Mais en vrai, j'étais avec lui, mais pas... me marier avec lui, je voulais être avec lui comme ça, mais comme j'étais déjà mariée une fois, je ne voulais plus me marier, mais je voulais qu'on reste ensemble puisqu'on avait déjà un enfant. Et là, il m'a demandé en mariage, on s'est marié, on est resté un an, deux ans, on s'est marié 4 mois et 4 mois après j'étais enceinte. Non, j'étais enceinte avant d'être mariée. Et j'ai accouché, 2 mois après il part en mission. Il arrive en mission quelque part là-bas. C'était plus moi. Il dit que je suis plus sa femme. Il a croisé une autre femme là-bas, c'était elle. C'était plus moi, sa femme. Donc du coup, celle qui me suivait en prière, qui a dit c'est mon mari, il dit, mais voici le problème. Le gars, il dit que c'est plus moi qui l'a croisé une autre personne. Et elle a dit, envoie l'argent, il faut qu'il passe dans le gymnase. Il ne sait même plus ce qu'elle avait dit. Donc on est resté en prière quand il est venu. Je savais qu'il avait quelqu'un. J'ai pris son téléphone, j'ai fouillé, j'ai vu qu'il a, il a croisé quelqu'un à bateau et tout. Il m'a dit non, non, c'est qui veut partir. Avec la fille, il avait déjà programmé d'être avec elle. Et puis moi, tu suis à la maison avec les enfants, on est mariés, mais bon. Ils ont fait son truc et puis je suis tombée dessus. Et on a appelé la femme, on a parlé. Mais c'est l'histoire avec la dame, c'est que tout le temps, elle nous disait de payer, je sais pas, on appelle la dîme. Tous les mois, mon mari amenait l'argent, si son salaire qu'il touchait, la dîme, il en avait. On a payé pendant 2 ou 3 ans dans sa main, on amenait, elle, c'était pas une église, mais on payait la dîme avec ça, elle. Et ça, là, c'était aussi en Côte d'Ivoire. Elle est ici en Côte d'Ivoire, c'est elle. Elle prier à la maison chez elle. Et là, vous êtes où, en tout temps, vous êtes en Côte d'Ivoire ou bien vous êtes en France? En France, on paye la dîme ici. Ok, vous envoyez la dîme ici. La dîme ici. Okay. Et on payait aussi les offrandes dans l'autre église où on partait. Mais à un moment, on a stoppé l'autre église parce que l'église a été fermée, il y a eu trop d'histoires, la personne est partie. Oui. Et à chaque fois, mon mari, il y avait des histoires, il y a tout le temps les histoires. Et quand il y a des histoires, c'est elle qui règle, tu vois. Quand il y a un petit problème, il l'appelle. Quand il y a un petit problème, je l'appelle. C'est, on avait tellement... On cherchait, c'est pas Dieu qu'on cherchait, on était tellement assoiffés. C'est comme si tu consultais, tu partais exactement. Même marabout pour exactement. Consulter. Et un jour, je suis restée là, j'ai dit non, ça peut, je ne vais pas rester toujours dans ça. Soit c'est mon mari, c'est mon mari. Si ce n'est pas mon mari, on arrête. Et comme ça, on s'est séparés de cette femme. Tout doucement, on a coupé. Elle n'a plus appelé. Elle ne vous a pas appelé pas. Elle me laisse des messages que je rappelle, mais je ne rappelle pas. Et là, maintenant, on prie où, mais je ne sais même plus. Donc, et en temps, comment tu es. En temps, quand tu trouves cette femme-là, tu ne consultes pas. Tu n'envoies pas aussi celle-ci là-bas. Cette femme qui est ici à Abidjan là. Si, elle partait là-bas. Oui, raconte-nous. Parce que c'est toi qui es sur place. On envoie l'argent, tu peux manger. Que tu lui donnes. Non, tu peux moi, manger. C'est ça. La première fois où elle devait gêner pour elle là. Oui. Elle m'a amené l'argent pour lui le mettre. Mais maintenant, les autres agents qui venaient là, ils ne voulaient pas qu'ils soient au courant de ça. Elle passait donc, directement là-bas. Non, on envoyait directement au Saint Union. Oui. Parce qu'elles étaient deux qui priaient ensemble. Oui. Au début, quand on m'envoie l'argent pour lui donner, elle dit faut pas l'autre va voir. Donc moi, j'ai ça là, moi, je ne suis pas dedans. Hein. Vous deux, vous priez pour les gens. On vous envoie l'argent, tu dis faut pas l'autre va voir. Pourquoi? Donc il a appelé, il a dit, ah, ta prophétesse là, moi je ne comprends pas, elle prend sa soeur, quand tu envoies l'argent pour aller les donner les deux là, elle dit moi il n'y a qu'à cacher, quand l'autre va partir, elle lui donner. Ça là, moi je ne suis pas dedans. Et ils jeûnent ensemble. Ils jeûnent ensemble, comme ça. Côte d'Ivoire, bonjour. Ouais, Côte d'Ivoire. Et puis avant ça, même quand il est parti me promener dans ça là aussi là, il s'est trouvé une femme. Tu as des problèmes comment? Dans ma promenade, elle dit quoi là même? Je suis parti, on dit c'est l'église, je suis parti, il y a la Bible, hein. On dit la Bible, il y a tam tam, tout ça, on chante. Oui. Ah, elle dit, il y a peut-être des moutons et pas des moutons. Que c'est ma tante qui veut me dire. J'ai dit, hein? Il veut te tuer. Qui veut me tuer? La tête du mouton. La tête du mouton, elle est pâte. Elle ne veut pas des trucs de corps, avec cette tête-là. Elle est pâte là. Oui. Il n'y avait pas l'argent. Il a fait comment? Il a appelé celle-là. Elle m'a pas expliqué. Il y a besoin d'argent. Elle dit, bon, quelqu'un va me donner l'argent. Dans ma pauvreté, j'ai fait, elle m'a envoyé 50 000 là. Oui. J'ai pris pour aller péter des moutons. Avec tout ce qu'elle m'a demandé. Oui. J'ai même, elle avait dit, non, faut partir, tu as venu à telle heure. Bon, comme elle n'était pas loin de chez moi, j'ai dit, ah, peut-être c'est prié, on va faire où. J'arrive la nuit, elle a pris tête de mouton, elle l'a mis dans cette, sur ma tête. Commençait à. Attends, tête de mouton qu'on a égorgé. Oui. Avec le sang frais là-dessus, on n'a pas préparé. On n'a pas préparé. Elle a mis ça dans l'assiette, puis elle a mis sur ma tête. Elle dit que tu viens dans la nuit, tu pars, tu reviens dans la nuit. Je suis béni, ça à minuit, elle a mis sur ma tête. Oui. Et puis elle dit les trucs, puis moi aussi, je répète. Oui. Chez elle là-bas. Oui. Elle dit c'est pour me délivrer. Oui. Il a fait ça la nuit. 2 jours après, quand elle m'a dit de venir, je suis parti. Elle lui a dit payer poudre. Il a payé poudre, elle a payé parfum Saint-Michel, il a payé parfum Saint-Michel. Elle m'a mis dans la douche, elle m'a lavé 7 fois. Les jours, elle s'est dormir à la maison de l'ange. Il dit, il a bien dormi parce que moi, je ne dormais pas. Tous les jours, on vient m'attaquer la nuit. Les jours, il était content, il dit, ah, il a bien dormi. Donc ça, la Dieu l'utilise. Oui. C'est dans ça, je suis resté derrière elle comme ça. Après encore, elle dit, il y a qu'à les payer fil qu'on prend pour se tresser là. Oui. Je suis venu, j'ai payé fil, il m'a fait ça assis. Elle m'a attaché de mon pied jusqu'à ma tête. Elle m'a enroulé 2 paquets de fils. Hein. Mmh. Après, elle a payé lampe. Elle dit, je te délivre, je te délivre, je te délivre. Elle a coupé les fils là, quoi. Mmh. Donc, elle m'a délivré, je suis content. Je suis resté derrière elle jusqu'à... J'ai vu que ça n'allait pas là. C'est l'âme là où j'ai commencé à tomber malade un peu. Je ne comprenais pas. Mmh. Et ça, il y a eu mes pieds dans elle. C'est dans ça, maintenant, je suis parti chez papa Florent pour qu'il puisse me soigner. Tu as bu le lait là, bien. Je suis allé boire là aussi. C'est les serpents qui sont dans mon corps. Oui. C'est de là-bas aussi, je suis parti me retrouver dans le catholique, après le catholique là. Je suis parti à la manne. Mmh. À la manne, après la manne, c'est ça, j'ai vu. C'est ça, les sur YouTube là. Bamba Iba. Avant qu'on ne comprenne, on arrête Bamba Iba. Maintenant, je veux que vous-même, vous nous dites quel est le vrai problème. En regardant vos parcours, vous voyez, je veux que vous regardez quel a été le vrai problème. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez manqué quelle direction dès le départ? Qu'est-ce qui vous a manqué dès le départ? Vous comprenez la question? On n'a pas cherché la face de Dieu. Vous n'avez pas cherché la face de Dieu. C'est pas Dieu que vous cherchez. Non, ouais. On cherchait la chose qu'on appelle bonheur. Les bénédictions. Les bénédictions, vous cherchez le matériel. Vous cherchez à vous en sortir. Oui, vous cherchez à vous en sortir par tous les moyens. C'est ça. Et par conséquent, si quelque chose avait un résultat, on s'en fout si c'est Dieu ou pas. On dit que c'est marabout là. On dit oui, que c'est marabout, c'est qui ou que c'est quoi ou. Mais quand tu dis, on lisait la Bible là-bas. Et puis on te donne demain la tête du mouton. Tu ne te vas pas poser la question que mais tête du mouton pour faire quoi? À ce moment-là, moi, je ne suis pas encore rentré dans l'église comme ça, je ne sais pas. Les musulmans, j'ai les musulmans. Bon, moi, j'ai vécu aussi chez ma tante à Bobo. Oui. Parce que là-bas, c'est un parasite. Il faut un maraboutage. Mon beau là même, il est un grand marabout. Donc, mais, moi, mais il est musulman. Il est musulman. À petit côté, maman, c'était grand marabout. Côté de notre maman, ils font, ce sont les marabouts qui accueillent les gens pour faire leur travail, tout. Il y a sacrifice de moutons. Là, avec le Coran. C'est normal. Avec le Coran. Ah, tu as compris que comme Coran, Bible, ils font la même chose, quoi. Donc, c'est le même moi, Dieu. Je n'ai pas cherché à tourner, il dit, après, c'est le même chose là. Mais pourquoi dans toute cette marche-là, connaissant que vous avez un autre côté qui est chez les marabouts, chez les musulmans, mais marabouts, pourquoi vous n'êtes pas allé là-bas chercher la solution? Bon, nous, on était là-bas, au juste même quand on était chez notre tante là. Eux nous traitaient, tu connais les gulags ici, ils appellent les chrétiens Boussoumani. Donc, quand nous voit, nous dit Boussoumani. Donc, nous, on dit, vous ne partez pas là-bas? Ouais, on partait là-bas, mais. On ne rentrait pas dans l'air trop comme ça. On n'était pas pour là. Quand on est chez elle, quand il est jour de prière comme ça, elle réveille ses affaires, nous laisse. Non, on s'en fout aussi. Non, il n'est pas trop. C'est après les maraboutages. Bon, quand elle est venue, elle dit que bon, ça peut. On ne peut pas aller chez eux aussi pour expliquer nos histoires. Oui. Donc, c'est quand on a suivi. Vous avez cherché votre voie, vous en sortiez vous seul. Voilà, c'est comme ça. Que les bushmans ils vont d'aller le côté, les musulmans ils vont de l'autre côté. Quand ils appellent les chrétiens bushmans, ils donnent comme ça. Quand ils nous voient, ils nous appellent comme ça. Donc souvent même il m'a dit, ah je comprends pourquoi on nous appelait Boussoumani. Parce que le Seigneur même il avait un plan pour nous aussi. Oui. Si on n'avait pas passé par là, si on allait voir ça là. Voilà. Ah. Amen. Maintenant, on était au niveau de cette sœur-ci, que la sœur dit quand tu as trouvé sur YouTube, maintenant, puisque chaque fois quand elle trouvait, elle te disait. Quand tu trouves, tu lui disais. Quand tu trouves sur YouTube, tu lui envoies qu'elle écoute ça, elle dit, ah. Raconte-moi ma soeur. Ben oui, elle me dit, ah, il y a un frère que je prie au Cameroun. Vraiment, ça, c'est tellement pas, c'est pour Dieu. Il dit, pardon, je suis fatiguée. On s'est tellement promené avec marabout, Dieu, on ne voit pas. Donc, ça, là, pardon, si tu veux prier là-bas, il faut continuer. Et si tu veux prier là-bas, il faut continuer. Parce qu'il y avait un jeune Camerounais aussi. Il est venu à la maison ici. Oui. Il est habillé ici. Oui. Il dit que lui, il prie les. Il était avec Jean-Marie de Moreau. Oui. C'est là-bas qu'il était. Jean-Marie de Moreau, c'est qui? C'est un prophète qui était là ici avant, qui est peut-être maintenant aux États-Unis. Donc c'est là-bas qu'il a pris, il est devenu pasteur, je ne sais pas quoi. Il a commencé à prier avec. Il venait à la maison ici pour prier avec eux. Il faut donner ci, il faut donner ça, il faut donner ci. Donc, à un moment, mon mari, moi, on est fatigué, mais on a tellement temps, donné. Quand le temps, vous êtes en Europe. Oui. Elle vous en fait, qu'il faut donner telle chose, quoi. Voilà. On est tellement fatigué de, à chaque fois donner. Maintenant, mon mari, mais dès, même pour venir là, c'était chaud. Parce qu'il est fatigué. Encore une fois que ça a encore commencé là-bas. Il m'a dit, je prends combien, mais tu n'auras rien. Mais c'était difficile. Je prends bien, je ne prends pas. Je prends bien, je ne prends pas. C'est quand c'est toi dit. Il y a 3 jours de jeûne à 5. Ah. Il a compris que, ok, il n'y a rien à dépenser là-bas. Là. Il a pris le billet la veille. Et puis, je suis venu. C'était chaud que je vienne. Il est fatigué, même. Et donc, quand le Camerounais est venu là, parce que tu t'en es parlé des Bamba et Baba, de tourner, qui est venu, le Camerounais qui est venu. Quand elle est venue. Celle qui peut expliquer le Camerounais, c'est eux qui ont fait les parcours. Donc, aussi vous avez des parcours alors. Camerounais, même, c'est Nafi qui l'a amené. Ma petite, c'est Nafi. Donc tu es resté, c'est celle-là qui a encore amené ça à la maison. Oui. On a là une de nos belles, il y a mon frère qui soit avec une jeune fille là. C'est elle qui est venue nous rendre visite. Elle dit, ah, il y a un homme que j'ai pris à lui, en tout cas il est bien, lui il parle bien de la Bible. Elle dit, ah, si c'est la Bible, il faut l'amener. Non, c'est les gens qui vont nous parler dans la Bible. Et elle a ajouté qu'il n'était pas ivoirien, qu'il est camerounais. Il est camerounais. Elle dit, bon, il faut l'amener. Comment on est fatigué les ivoiriens là? On va essayer. Elle dit. Non, là, si il vient. Il est dans quel quartier? Il a un mambo. Ok. Lui aussi, il est venu, premier jour là, il est venu. Bon, non, on a dit aux filles de venir que non, il y a quelqu'un qui vient pour qu'on on va prier. C'est lui de prière. Et toutes elles sont venues. Donc, il a vu au front là, tellement que c'était beaucoup. Il a commencé à changer. Voilà. Maintenant, il va imposer pour lui. Il dit maintenant, si on doit donner dîme là, offrande, on va mettre dans l'enveloppe. Pourquoi on ne voit pas? Faut pas qu'on... Maintenant, c'est un pour les jetons, ils font comment? Voilà, pour ne pas qu'il y ait des jetons. Donc, les filles, quand ils rentrent, bon, c'est qu'il te dit aussi là, si tu ne vois pas. Il va te dire, non, dans 2 jours, dans 3 jours, c'est comme ça. Donc, c'est comme ça, il a fait, tous les filles là sont parties. Oui. Bon, moi, ici, il restait, moi, je voulais prier seulement. Oui. Donc, ici, il restait, après, il dit, non, c'est bon, je n'en peux plus. Oui. Il me s'est séparé de lui. Mm. Là, Thiemel, il est encore là. Souvent, il m'appelle, s'il ne vient pas à la prière, il dit non. Un moment, on priait plus ici parce que ma prière s'est énervée pour dire qu'il ne faut plus, il va venir chez elle ici. Donc, moi, parce qu'elle est trouvée un moment beaucoup plus. Parce qu'il les a mélangés. Maintenant, les filles qui vont chanter, les filles qui vont chanter maintenant, la voici, elles ont porté pardon, c'est déchiré, c'est déchiré. C'est... moi, même, oui, je m'en vais tous les jours. Il y a toujours. Tant que homme de Dieu, tu vois, les filles ont porté les pantalons déchirés, plein de mecs qui ne parlent pas. Il a appelé la fille même qui nous a mis. Il a dit, non, ton homme de Dieu, elle dit non, Dieu ne regarde pas ça. Dieu t'a dit, il ne regarde pas ça. Bon. Dans ça, moi aussi, écoutez. Je ne vais plus là-bas. Il est là, il fait toujours ce truc. Mais pour lui, là, c'est l'argent. Hein. Il n'a pas l'argent là. Il fait rien. C'est pas son problème. Il a fini par mélanger les filles avec qui il priait là. Il y a une là. Il allait chez elle. Mamie, elle lui a tout donné ses trucs. Son téléphone qu'elle avait, que son copain a acheté de Mac là, elle lui a tout donné. Même moi, il m'a demandé téléphone. Dès ma grande soeur, ton agent qui est là-bas prend 50 000 francs dedans, je vais lui donner. Mais vous voulez faire quoi? Vous voulez sanctifier le téléphone? Vous voulez prier pour le téléphone? Non, non, il fait les trucs de Mac parce que lui, de il, hey, c'est des choses, c'est ça, mais... Ben. Hein, il fait de la sapologie. Il comme ça, puis voici, je te suis là, pour long comme ça. Maintenant, il a un bidon comme ça, puis il y a huile d'olive dedans, puis il se promène avec, puis maintenant, ça bibe ici. Oui. On ne voit pas les gens ici. Hein. Ah. On a vu tous les couleurs. On est fatigué. Donc, si on continue comme ça, on va dormir ici. Non. Donc, continuons droit au but avant qu'on ne sorte encore maintenant pour un Togolais maintenant. Alors, quand il t'a dit, voici un enseignement, écoute, c'est un Camerounais, tu as dit quoi? J'ai dit, ça ne m'intéressait pas. On a trop tourné dans les églises, on n'a rien trouvé. Donc, moi, c'est bon, je ne veux plus. Et de temps en temps, elle m'a dit, ah, il faut aller écouter. Ce qu'elle t'a dit là, c'est bien. Elle m'a appelé plusieurs fois pour ça, mais je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Et moi-même, comme ça, c'est suite à un songe que le Seigneur m'a montré que je me suis dépouillée un peu. Il n'y a pas dit totalement, un peu. Parce que un monsieur qui était à l'église, un vendredi, je rentre, je me couche parce que j'aimais acheter les cheveux là. Je payais Les faux cheveux, ouais. Je payais 500 euros. Quand tu peux acheter, tu dis qu'on te donne quoi? Cheveux. On te donne les cheveux ou les faux cheveux? Non, on appelle ça. C'est les cheveux humains. Donc je prenais et puis je paye, je même me coiffer. C'est bien. Oui. Un moment, d'abord, quand je me dis, si je rentre à l'eau, je me touche, je sens odeur. Ça sent vrai, j'ai jamais senti odeur de mort, mais c'est comme s'il y avait quelqu'un qui était mort, il y avait une mauvaise odeur. Et je demandais à mon mari, est-ce que tu sens quelque chose? Il me dit non. J'ai dit, mais comment ça? Mais moi, ce que je sens, c'est trop fort. Oui. Il dit, sans pas. J'appelle ma fille, mes enfants, vous sentez quelque chose? Ils disent non. Toi, c'est qui sentait? Moi, je ressens ça. Parce que j'aime beaucoup dormir avec YouTube. J'écoutais beaucoup enseignement.com, les prières, je partais beaucoup. J'écoutais beaucoup. Parce que moi, c'est à partir des minuit, j'aime écouter quand. Et elle m'entendait, je quitte à l'église, je me couche. Dès que je me couche, je ne sais même pas si je dormais. Je vois un gros piton sur ma tête. C'est-à-dire les nattes qu'ils ont fait là. Les mèches que j'avais là, entre mes cheveux, les nattes, les cheveux, mais est devenu un gros piton. Mais il était tellement long que je ne peux même pas détailler la longueur de ce piton là. Et je criais, tout était sombre autour de moi. Je criais tellement fort. J'ai vu deux personnes arriver. Ils étaient grands, géants comme ça. Ils ont tiré pour l'enlever. C'était difficile. Ils ont pu le sortir, ils l'ont jeté. Dès qu'ils l'ont jeté, moi j'étais comme ça. Ils sont retournés par terre. Et elle, je me suis retournée pour les regarder, mais je les voyais partir. Et dès qu'ils étaient arrivés un peu devant, il y a un autre serpent qui est revenu encore se repositionner. C'était un tout petit. Un petit serpent. Entre temps, j'ai payé long, j'ai payé court. Et le petit serpent, c'est les serpents qui ont la tête plate là. C'est le cobra. Cobra, voilà. Lui, c'est voilà, comme ça. Lui, c'est bien positionné, bien serré dans les nattes. Oui. Et puis sa tête était là-bas ouverte. La bouche comme ça. La bouche comme ça. Et là, j'ai commencé à crier, mais c'est là que j'ai pris plus peur. Et ils sont revenus, ils ont tiré, ils l'ont jeté, ils sont partis. Je me suis levée un coup de lui. Et moi, je me suis levée, j'ai regardé, mon mari était couché, ma fille était couchée. J'avais peur de toucher les mèches que j'avais sur la tête. Tu ne sais pas si elle ne le sait pas en haut là-bas. C'est ça, je tremblais sur mon chapelet. J'ai eu tellement peur. J'ai dit, mais si j'ai réveillé mon mari, ça peut revenir réellement un serpent. Puis je suis restée là, j'avais regardé mon mari. Quand je suis restée là, je me suis mise en genoux, je commençais à prier. Je demandais à Dieu de m'éloigner de ce que j'ai vu. Et le matin, je me suis levée, j'ai expliqué à ma grande soeur. Non, je n'ai pas appelé le jour, je suis partie. Il y avait un truc d'église où on prie. Oui. Il y avait un truc de foot, on est parti. J'ai trouvé la femme du pasteur, je lui dis, je l'ai appelée, j'ai dit bonjour. Enfin, je discutais un peu avec elle, c'était la première fois même que je partais l'expliquer un peu mes trucs. Puis je lui dis, j'ai fait un son cette nuit, comme ça, comme ça. J'ai dit, c'est des cheveux humains. Elle me dit, c'est quoi tu appelles les cheveux humains? Je lui dis, mais les cheveux humains, c'est les cheveux qu'on achète pour mettre sur la tête. Elle me dit, mais les cheveux humains, les gens, ils font des trucs dessus, donc c'est pas bon. Il faut acheter. Est-ce qu'elle me porte des faux cheveux? Elle me dit, elle te conseille plutôt. Oui, elle me dit que quand on achète les mèches, il faut prier dessus avant de les mettre. J'ai dit, ah bon, oui, il faut, quand on achète puis les cheveux des Indiens, c'est pas bon, tu vas acheter, il faut prier dessus, puis tu mets. En même temps, elle quittait devant moi. Donc je suis restée là, je passais la journée sur rentrant à la maison. Donc il faut acheter, d'après ce qu'elle dit comme conseil. Si je paye, il faut que je prie dessus avant de mettre sur la tête. Tu pries comment par exemple? Je demande au Seigneur de sanctifier. Ok. Donc c'est le conseil qu'elle te donne. Qu'elle m'a dit. Uh-huh. Donc j'ai laissé, je suis partie jouer et après je suis rentrée. Et le soir, comme ça, j'ai expliqué le songe à ma grande soeur. Puis elle m'a parlé, je ne sais plus, d'un homme de Dieu, elle m'a parlé de ça. Un témoignage qui était sur internet. Et puis je suis partie écouter le témoignage. Et c'est comme ça, le même jour, j'ai enlevé les mains, j'ai ramassé tout, j'ai jeté. Et j'ai commencé maintenant à me dépouiller un peu de tout ce que j'avais sur moi. Et ton mari, qu'est-ce qu'elle était sa réaction quand il a vu cela? Tu lui as expliqué? Je lui ai expliqué le songe, mais lui, bon, au départ, c'était un peu difficile de me voir sans les mèches. Je me dis, bon, s'il n'aimait pas mes, c'est pas grave. Mais mes cheveux, il aime bien aussi quand j'ai mes cheveux. Et je frisais les cheveux. Et après, je dis, non, que je ne veux plus friser. Même cheveux frisés, Dieu ne veut plus ça. Donc, j'ai coupé mes cheveux et j'ai commencé à laisser pousser. Entre temps, il est parti en mission, donc on ne se voyait pas le monde comme il voyait beaucoup. Et il est arrivé, il a vu que j'ai changé, j'attache le foulard et tout. Je lui ai demandé, il dit, ça ne lui dérange pas. Mais bon, mon combat, c'était avec ma grande fille qui a 14 ans. Elle est dans les pantalons, les trucs, dans son collège, là-bas, ils sont un peu... C'est difficile pour elle. Mais bon, j'ai essayé de me battre avec elle, mais c'est difficile. Donc, mon mari m'a dit, toi, le Seigneur t'a fait ton truc, laisse doucement, va doucement avec les enfants. Mais bon, quand tu vois ce qui se passe aujourd'hui, tu ne peux pas aller doucement aussi avec les enfants. Tu veux que ça change, mais bon, c'est difficile. Revenons sur ma mère. Et tout ça, tu as raconté à ta soeur? Oui. Mais qu'est-ce qu'elle t'a dit par la suite, alors, avec les enseignements concernant cela? Concernant les mèches, je ne sais plus ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit qu'elle a vu un témoignage, qu'on dit que ce n'est plus bien de mettre les mèches. Et comme ça, elle m'a amené le témoignage. Et quand j'ai écouté le témoignage de la personne, c'est comme ça que j'ai enlevé les faux cheveux que j'ai arrêtés. Directement. Sur le champ, j'ai arrêté, j'ai ramassé tout ce que j'avais, j'ai tout jeté. Parce que j'étais claire. Oui. Quand je suis arrivée à la maison, j'ai donné mon titre de séjour, on dit que ce n'est pas mon coup. Pourquoi? Mais parce que j'ai changé depuis que j'avais fait ça. Ok, donc quand tu avais fait ça, tu étais brillant, tu brillais avec le truc qui est sur le passeport. Quand je suis arrivée à votre... Preuve à l'appui, donc on peut comme ça prendre le document. Donc quand tu lui as envoyé tu lui as parlé des enseignements, tu ne lui as pas envoyé les liens des enseignements qu'elle écoute? Si, il y a mené. Elle t'a dit que... Moi quand j'écoute Ney, je balance, quand j'écoute Ney, je l'amène. C'est comme ça que je fais. Le jeune a le temps, il écoute, le jeune n'a pas le temps, il me dit non, je n'ai pas, il dit faut écouter. Comme ça, on était en dessus. Jusqu'à présent, quand tu envoies comme ça, la scène n'a pas encore vu, moi, je la mets. Non, mais c'est pas quand même terrible, ça. on ça avait mis produit, si tu nous voyais. Vous avez mis produit pour faire quoi? Pour être brillant. Non, ça va. Attends, tu n'as pas du mal à convaincre les autorités que c'est toi. Mais là, c'est quand je vais rentrer. Là, après demain, je m'inquiète un peu parce que là-bas, ils vont me demander si c'est moi ou pas. Bien sûr. Parce que déjà, quand je rentrais, le monsieur m'a demandé si je suis sûr que c'est moi. Je lui dis, mais c'est moi, tu ne me vois pas arriver. Mais oui. Attends, pourquoi vous mettez les produits pour changer? Parce que là, ici, totalement, tu es une blanche là. Oui, mais oui. Blanche. Il faut qu'on brille, il faut qu'on montre aux autres que nous sommes là. Et ton mari maintenant, il n'est pas déphasé, il n'est pas déséquilibré. Mon mari, c'est que Dieu est en train de faire un travail avec lui un peu. Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, il me dit, depuis que je suis arrivée à bien, il est plus noirci. Il dit, bon. Là, il est ici, il a acheté un savon pour nous. te payer le savon. Il dit, tu n'as pas écouté ce qu'on a dit là-bas. Tu as tes savons. Il dit non, comme il y a les tâches, moi, je suis venu. Il dit, moi, quelque chose qui a me gommé un peu. Oui. Après, il dit, si le frère, il faut qu'il demande au frère parce que là, il sait plus, ils sont en train de partir. Nous, on a mis produit. Moi-même, quand il y a. Tu pars comme ça, prends ta part. Je vais prendre ma part. Ah. Je dis, viens, un coup. Oui. Oh, mais si tu prends ça comme ça, le temps qu'elle apporte ça part de preuve à l'appui là, parce que nous sommes touchés dans notre domaine qui menace beaucoup les femmes, le maquillage avec les faux cheveux. Là, tu as dit tout à l'heure que tu étais après le songe, tu es allé voir un. Ouais. Voilà. Tu es allé voir la femme du pasteur et elle t'a causé de mettre cela. Qu'est-ce qui ne va pas vraiment avec les femmes au milieu chrétien avec ces choses là? Pourquoi les femmes, ça attelle à rester têtues avec ces faux cheveux? Avec ces maquillages-là. Ah, vous allez me tuer. Je crois que. Je vais garder seulement un exemplaire. Où est l'autre là? Voilà. Mmh. Que Dieu vous bénisse. Donc, selon vous, pourquoi les femmes s'entêtent? C'est-à-dire que. Si tu n'as pas mis produit, je dis, on ne te regarde pas. Donc, tu ne passes pas marché, quoi. Ah. C'est le bon produit. Mais si tu as cherché le travail, ton corps ne brille pas, tu n'as pas mis produit, on ne te prend pas. Oui. Ah, on a oublié de mettre produit. Et puis, tout ces pires, actuellement, Abigail, ici, là. C'est rare de voir les gens qui sont naturels. Tout le monde s'est produit. Pourquoi? Pourquoi? Je ne sais même pas. Donc Satan veut véritablement que vous gâtez pour gâter la création de Dieu, quoi. Il a gâté, quand du moins, mais il a gâté, mais fini. Il a gâté, fini. Même les chrétiens, les chrétiens, on voit même chose, pas vrai? Oui. Ah, ils chantent même la parole, la plus grave que pour nous. Nous, c'est quoi que tu es comme ça? Alors, quel conseil, toi particulièrement, parce que tu as vu ça, parce que l'autre aussi, même si on ne te prêche pas, toi-même, tu as vu. Moi, le Seigneur m'a montré. Oui. Bon, je dis, c'est le Seigneur qui m'a montré. Hein. Mmh. Parce que si je n'avais pas vu ça, peut-être que je serais encore comme j'étais avant. Oui. Et entre-temps, là, avant d'enlever les mèches que je vois le serpent, je partais sur Internet. Oui. Quand mon mari n'est pas là comme ça, je prends le Seigneur. Je prends son truc, je vais sur Internet. Je recherche les bonnes tomates. Il y a des comprimés mais qui sont quittés aux États-Unis. On dit glutation ou quoi là. Je partais maintenant pour rentrer dans ça avant que je tombe si ça. Oui. Pour prendre, tu sais, c'est des cachets, tu penses à t'éclaircir, tu deviens comme une blanche. Et ton mari porte au travail que tu es clair. Hein, elle va au travail, revient, tu es clair. Tu dis, elle dit, chérie, c'est toi. Tu dis, oui, tu ne me vois pas, c'est moi. Elle ne te pose pas la question de qu'est-ce qui s'est passé. Il pose pas la question parce qu'il s'est habitué, il sait que voilà, moi j'ai toujours besoin d'acheter pour mettre mes clésies, pour prendre soin de moi. Bon, je m'occupais des enfants à la maison, mais en même temps que je faisais ce genre de trucs. Bon, aujourd'hui là, non, tout ça là, c'est bon. Mais donc, quel conseil vous pouvez donner aux jeunes filles qui parcourent là? Parcourent les ciels, étaient d'autres sont sur internet pour chercher les blancs, alors que les blancs ont les blanches là-bas. Vous voulez devenir comme ces blanches là, elles laissent les blanches pour venir chercher les noirs en venant que vous êtes devenu blanche. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Ben écoute, aujourd'hui quand tu dis à des personnes que c'est pas des bien, chrétiens surtout, parce que les non-chrétiens... C'est pas bien de mettre les pommades. Par exemple, quand je suis arrivée, j'ai croisé une des filles que je connaissais ici. Elle travaille dans les bois de nuit. Et j'ai vu la fille au marché, ça m'a un peu choquée, je l'ai appelée. Bon, au départ, j'ai dit, si elle me voit comme ça, elle va s'effrayer. Donc, je l'ai appelée. Elle te connaissait comme quand tu partais, tu étais brune. Ouais, je prenais soin de moi. Elle me demande, ça va? Tu prenais soin, tu te gâtais, ou tu prenais soin de toi? J'ai dit, oui, ça va. Elle me dit, oui, ah, t'es arrivée. J'ai dit, on a commencé à bavarder. Puis, je dis, tu fais quoi maintenant? Elle dit, ça va. En ce moment, je ne travaille pas, je me repose. J'ai dit, ah, mais tu es ta vie chrétienne. Elle me dit, ça va, hein? Je vais à l'église tous les jours, que tous les vendredis, je vais à la grotte. Pour aller prier. Elle dit qu'elle parle à la grotte là où c'est servait les ciels. Elle va à la grotte prier. J'ai dit, ah bon? J'ai dit à la grotte, elle dit oui. Parce qu'il faut aller doucement un peu avec ces gens des filles parce qu'elles sont agressives. Oui. J'ai dit, ah, si tu pries, c'est bien. J'ai dit, mais et ta vie, ton enfant, tout ça, ça va? Elle dit oui, ça va. Je sentais qu'elle était un peu nerveuse. Et puis je dis, ah, franchement. Mais elle ne s'est pas posé de question par rapport à ta... Elle n'a pas osé me demander. Mais moi, mais je lui ai dit que tu as vu que j'ai changé. J'ai un foulard. Et je ne suis plus pleine, elle dit oui. Il dit, c'est Jésus qui m'a changé. Il dit, ce que tu as sur la tête, là, il faut enlever, c'est pas bien. Parce que nous, avant, on mettait tous, on pensait que c'était bien, mais tout ça, ça nous emmène à la perdition. À la perdition, donc c'est pas bon, il faut arrêter de mettre tout ça. Elle n'a pas duré, moi, elle m'a dit au revoir. Elle a dit au revoir. Elle a dit au revoir. Continue comme ça. Elle a dit tu vas aller réussir. Tu veux, tu veux l'empêcher de réussir. Elle dit je m'en vais comment on appelle au Ghana là. Qu'il y a un prophète là-bas là. Il y a prié donc il n'y a plus congé. Il m'a dit là-bas la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle paie l'argent pour partir. Donc ils ont fini avec la Côte d'Ivoire, maintenant ils cherchent prophète maintenant au Ghana. Au Ghana, oui. Prophétie. Au Ghana, ça ne joue pas. Donc au Ghana, il y a le même phénomène. C'est ça. Au Ghana. Il y a le Nana, quoi. Bon, parlez-nous maintenant. Et après 3 jours de jeu, maintenant, nous sommes en plein maintenant. Là. Parlez-nous maintenant. 3 jours de jeu, ça n'a pas été facile. Avant de venir, elle t'a dit qu'il y a 3 jours de jeu à 7. Tu viens, la détermination, c'était comment dans le cœur? Pour participer à cela. En fait, quand je voulais venir parce que je savais que, par exemple, comme je dis que on a été baptisés, mon mari et moi, et on nous a dit qu'on n'avait pas besoin de délivrance. Mais moi, entre temps, je sais que j'ai beaucoup de choses que j'ai fait. Je sais au fond de moi que j'ai besoin d'une délivrance parce que j'ai plus. Quand je suis là, j'ai souvent des mauvaises pensées qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Et je suis beaucoup nerveuse. Quand mon mari rentre à la maison, je suis tout le temps agressive. Je parle mal à mon mari, je gifle mon mari. C'est pas une chrétienne qui fait ça. Il n'y a même pas une semaine, j'avais giflé mon mari. Après, j'avais demandé pardon pour pouvoir venir à Abidjan, tu vois. Et quand j'ai fait ma dernière fille qui a 3 ans, j'ai eu à faire ligature des trompes. Je t'avais dit dans le message, j'ai ligaturé mes trompes. On ne m'avait pas expliqué. Moi, j'ai signé vite pourquoi me faire ligature des trompes. Donc aujourd'hui, je me rends compte que dans la Bible, tout ça, c'est pas bon. Donc, je me posais des questions aussi pour moi-même, pour mon mari et ligature des trompes. Je me dis, mais si le Seigneur arrive tout de suite, est-ce que je peux partir? Est-ce que ma famille peut partir? Est-ce que mes enfants vont partir? C'est des choses que je me travaille beaucoup. Donc je me suis dit, bon, il faut que j'arrive à Abidjan vraiment pour venir trouver une délivrance. Parce que depuis que j'ai eu ma fille, j'ai tout mon mal au bas-ventre. J'ai des règles qui viennent mais beaucoup, mais avec comme si j'allais, quand une femme va accoucher, qui est faite de cailloux de sang, des énormes cailloux de sang que je fais. Le jour on a commencé, le jour j'ai commencé en même temps les règles. Là. Et je disais à cette que je ne peux pas faire. Et quand vous avez vu la dernière fois, vous avez dit non, que je peux faire. Sérieusement, je n'ai même pas eu faim. Pendant qu'ils sont en train de jeûner, je n'ai même pas eu faim à un moment. Mais je perdais beaucoup de sang. Mais c'était le dimanche, je ne sais pas où on est parti. C'était le samedi. Quand on m'a dit, vous avez posé la main dans mon ventre, sur mon ventre, j'ai entendu boum, boum, boum. Mon ventre a remué un coup. J'ai senti quelque chose sortir. Boum. Mais tu étais dans la débouche, tu n'es pas tombé. Je ne suis pas tombé. Comme tout le monde, tu étais là comme ça. Mais je savais qu'il y a quelque chose qui s'est passé entre temps. Et après, tu te poses la question. Que si je croyais, je t'ai dit oui. Oui, comme maintenant, là, tu sais maintenant que tu sais que quelque chose s'est passé. Et là, le sang s'est arrêté tout d'un coup. Amen. C'est depuis que ça a commencé à venir petit. Mais tu peux dire normalement maintenant. Qu'est-ce que tu peux donc dire? Le nom de Dieu. Et là, tu as appelé ton mari. J'ai appelé mon mari. Tu lui as dit que la chose qui me fait te gifler souvent là. Que c'est sorti. Si, l'expliquer. Mais enfin, lui, je ne l'ai pas trop expliqué parce que quand j'appelle, les enfants sont à côté. Il dérange un peu. Voilà, donc je ne l'ai pas trop expliqué. Là, je suis en train de parler avec lui parce que comme il doit partir en mission, et je sais que mon mari a besoin vraiment d'une délivrance parce qu'il faut une délivrance. Ça fait un moment que j'ai arrêté les rapports avec lui. J'ai dit non. Parce que plus. Je pars et toi aussi, je prends les esprits. Tant qu'il n'a pas sa délivrance, je ne fais rien avec lui. Donc je l'ai dit là. Mais tu veux plus qu'il te mette dans les esprits là à l'intérieur de toi encore. Et là, il me dit, tout à l'heure, il me disait que depuis que tu es parti là, je dors à ta place. Il dit, mais est-ce que ça te fait quoi de me dire que je te manque? Que je te manque. Il a commencé à rire. Et puis je dis, mais est-ce que tu te prépares? Il va venir nous trouver au Maroc. Il va venir au Maroc. Oui, il va venir au Maroc. Okay, donc il me demande, il faut qu'on lui donne. Vous allez fixer ça tout à l'heure avec. Voilà. C'était tout. Alors, après cela, j'explique que les délivrances se passent différemment. Et tu as vu dans la salle, ça s'est passé différemment. Tu n'avais pas peur d'abord dès le départ? Si, j'ai déjà, même ce que j'ai vu déjà. La dernière fois qu'on est passé à la maison, j'ai jamais vu de délivrance. J'ai vu des délivrances, mais pas comme ça. Donc c'est ça, vidéo, c'est... Ça m'a marqué. Oui. Et ma grande soeur, je ne m'attendais pas qu'elle a fait. Que ça allait se passer. Même hier, je ne sais pas si vous avez remarqué. Oui. Elle a... Et c'est pour ça qu'il ne lui a même pas parlé. Dès que vous êtes rentré, elle a commencé en même temps. Elle a commencé à pleurer, elle a baillé, baillé jusqu'à. Il était dans cette tête de moi qui restait là. Bon, chacun parle pour sa part. Ma soeur, rebonsoir. Bonsoir Abidjan. Bonsoir Abidjan. Bonsoir. Allons-y. En tout cas, ça m'a fait du bien. Quand, quand on a commencé à prier, tout ce qui concerne, tout ce que Satan a utilisé pour vous lier, le semence sorcellerie et autres, là, ça soit coupé. Allons-y. Bon, moi, en tout cas, quand on m'a dit les 3 jours de jeûne, j'ai dit, trois jours de jeûne, mais ça m'a dit, c'est 2 semaines où je vais faire passer. Je suis parti à la banque, là, c'est toujours 3 jours de jeûne, on fait, à sec. Oui. Il n'a pas eu de solution. Oui, il a avoir ma solution, là, je n'ai pas fait. Quand elle se moquait de moi, il dit, ça, là, ma solution va sortir dans ça, là. Bon, quand on est arrivé, quand tu as commencé à prier, en tout cas, déjà, j'ai commencé à sentir. Je me suis senti bizarre, mais après, je ne sais pas. On a enlevé tes verres, tes lunettes. Il y a quelqu'un qui a tiré mes verres, il n'a pas vu c'est qui. Et après, je ne sais pas où il s'est. Mais est-ce que tu sais que tu as même fait le tai chi? Tu connais le tai chi comme Jet Li? Karaté. Tu as fait le karaté, tu as soulevé le pied, on sait que tu vas bagarrer. Tu as fait le pont comme ça là. Tu voulais me bagarrer pourquoi? Je ne sais pas, je sais que moi aussi, la colère en moi beaucoup. Peut-être que c'est ça. Mais attends, moi je suis ton frère, non? Ça là, c'est pas moi qui ai fait karaté la dernière fois. Attends, normal là, un jeune de 3 jours, il a fait karaté. Oui. À travers la ça force. Et tu as forcé avec 2 personnes qui te tenaient, tu les as basculées, bousculées, bousculées. Que gaillard. Ah oh. Moi, je vais voir comment on a tu fait. Tu vas voir la vidéo. Tu n'as pas encore vu, hein? Tu as vomi beaucoup. Mais jusqu'à présent, j'ai mal quelque part là. Oui. Pas. Au fur et à mesure, ça va finir. Quand les 1 semaine vont passer, tout ton corps va revenir normal et même ta physionomie va changer. Amen. D'accord. Alors, tu vas rester même souvent encore, le crachat va encore revenir même. Oui, hier soir, quand j'essaie de sortir, aller acheter la nourriture, il était assis, c'est monté pour y aller. Voilà. Sinon, c'est le reste, les poisons, tout cela va sortir, d'accord. Et quand ta peau. Quand tu es sorti de l'avion, oui. Tu es sorti d'un coup, quand je l'ai vu. J'ai dit, c'est quoi ça? Mais c'est bizarre, il y a trop de vieillesse là. Mais tu as remarqué qu'elle est en train de rentrer, non? Je lui ai dit ça hier. Que sa physionomie a changé encore. Hier, avant qu'on passe à l'église, j'ai dit, monsieur, le matin, je faisais quelque chose pour le monsieur, il est venu me dire merci pour qui a rajeuni directement, oui. Elle va revenir. C'est pas celle qui est sur la photo là, de naturel. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu pour cela. Dieu vous bénisse. Donc, okay. Tous ceux qui sont allés nous écouter maintenant, qui ont besoin de délivrance, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Toi, tu as dû lutter pour couper billet d'avion pour venir jusqu'à Abidjan. Et tu ne peux arriver à Abidjan comme tu arrivais souvent à Abidjan. Non. Et curieusement, c'est quand tu voulais arriver pour ta délivrance qu'il y a eu obstacle. C'est ça. D'habitude, quand je veux venir, c'est facilement. Oui, enfin, facile. Mais maintenant, là, plus que je venais pour ma délivrance, c'était difficile. Oui. C'était difficile, mais bon. J'ai dit à ma grande soeur, dis au frère de prier pour moi parce qu'il faut que je vienne. Donc je pense que c'est votre prière aussi. Donc, de façon sûre et certaine, tu sais que Dieu t'a montré que les faux cheveux ne sont pas de lui. Il t'a montré même le boa qui est là-dessus. C'est ça. De façon sûre et certaine, quand on était dans la salle, on priait, personne ne pouvait savoir que quelque chose s'est passé en toi. Personne. Il n'y a que toi, moi et Dieu qui savions que quelque chose s'est passé. C'est vrai. Si on sortait comme ça, on ne disait rien, tu devais savoir toi seul. Tant que je ne parlais pas. Mais j'ai expliqué à votre femme, non, je t'avais dit. Ah non, même elle aussi, vous avez fait le Congo ça. Hein? Oui. Dès que je suis sortie, c'est la voix directement. Ok. Qu'est-ce que vous pouvez donc dire à tous ceux qui nous écoutent maintenant? De donner la vie au Seigneur. Oui. De chercher vraiment la face de Dieu parce que tout ce qu'on fait aujourd'hui là, c'est vanité. Je ne sais pas, c'est n'importe quoi. Ça va nous. Qui a la perdition, ça t'amène à la perdition, on est égaré. Tout ce qu'on nous enseigne. Toutes les églises aujourd'hui, là, sont tous dans la perdition. Donc, ils n'ont qu'à écouter la parole de Dieu, vraiment chercher la Bible. Moi, sincèrement, je n'ai pas été à l'école. Je suis enfant, je n'ai pas été à l'école. Mais de temps en temps, je vais écouter les enseignements. Je prends la Bible en audio, j'écoute. Et je sais que le Seigneur est en train de faire tout. Et il y a quelque chose aussi, il faut que je l'explique. Je fais une formation, je vais apprendre à lire et écrire. Mais j'ai fait 7 mois. Il n'y a même pas un petit... Qui est rentré. Oui. C'est-à-dire, j'apprenais que je m'en vais, c'est fini. C'est fini. Et ce problème, c'est que le Seigneur m'a libéré. Que Dieu t'accorde la grâce. Oui, Dieu m'a libéré. Maintenant, il faut que tu t'adresses aux femmes de pasteurs qui s'habillent de façon mondaine d'abord et à leur mari. Les femmes de pasteurs, là, ça c'est chaud. Hein? c'est chaud. Ce ne sont pas tes soeurs. Ce sont mes soeurs, mais si elles veulent l'écouter, ça sera bien. Parce que elles sont des exemples pour nous. Elles sont mariées au pasteur. Et nous, bon, c'est les femmes des pasteurs. Elles sont mariées au pasteur. Donc elles doivent une. Par exemple, votre femme, quand on voit votre femme, elle est un exemple pour moi. Parce que je la vois, elle est couverte du pied à la tête. Je peux la suivre aujourd'hui. Mais hier, où j'étais, c'est pas ce physique-là qu'on m'a montré. On m'a montré que je pouvais me tisser, je pouvais porter jupe mini, je pouvais m'habiller comme je voulais. Et tout ça, c'est le mensonge. Et qu'elles n'ont qu'à vraiment chercher la face de Dieu, chercher ce qui est écrit dans la Bible aussi. Parce qu'elles sont là, elles disent qu'elles sont femmes de pasteur, mais ce n'est pas ce qui est écrit dans la Bible qu'elles enseignent. Elles sont égarées elles-mêmes, elles égarent beaucoup de personnes. Les filles qui les suivent maintenant, dans les différents groupes chorales et autres là-bas, tout ça, dis-leur quelque chose. Ben mes soeurs, vraiment chercher la face de Dieu et puis arrêter les produits, arrêter de mettre les faux cheveux qu'on va acheter pour mettre sur la tête là, ça ne sert pas à grand chose. Ça va tous vous emmener à la perdition, donc cherchez vraiment à être une femme vertueuse. Il faut vraiment chercher la face de Dieu, il faut vraiment ses vertus, il faut les pantalons, les mèches, tout ce qu'on fait en France, là, il n'y a rien dedans. Dans le monde entier, ce n'est pas qu'en France, c'est parce que dans le monde entier, les filles aujourd'hui se disent non, il faut être à quelque chose de. Comment on appelle, il faut être à la mode, il faut être sexy. Parce que si tu n'es pas sexy, tu n'es pas vu. Vaut mieux être vu de Dieu que vu d'un homme. Parce que moi aujourd'hui, si le Seigneur me dit quitte mon mari, je serai obligée de quitter mon mari. C'est comme ça. On doit respecter ce que plaire à Dieu, n'est pas fait ce que nous on veut. Amen. Amen. Amen. Maintenant, parle aux soeurs chrétiennes qui continuent à vendre des mèches, à mettre ça sur la tête des gens, à mettre les faux ongles, à tailler, à vendre les produits pour changer de peau. Parle-leur. Même les femmes de pasteur sont dans ces cas. Parle-leur. Pardon. Donc, ils n'ont qu'à continuer à vendre ça à Chrétien. Non, ils n'ont qu'à arrêter de vendre les faux cheveux, ils n'ont qu'à arrêter de vendre les produits, les faux ongles, les vernis, même les parfums, tout ça, ça fait partie de ça. Elles te disent maintenant que je n'arrête de vendre ça. Je fais comme. J'ai appris ça. Le Seigneur a dit de ne pas se soucier du lendemain. Le lendemain, ça suffit de lui-même. Amen. Donc, si tu crois à ton Dieu, le lendemain, il te donnera à manger tout ce que tu veux, là, Dieu te donne. Amen. Donc, tout ça là. On n'a pas laissé tomber, on n'a pas vraiment cherché la face de Dieu parce que le temps est mauvais et le temps est très court. Il faut vraiment s'accrocher et chercher la face de Dieu, quitter dans toutes ces conneries qu'on a faites depuis tout le temps là. Vraiment arrêter ça. Amen. Maintenant, parle aux jeunes filles d'Abidjan, de toutes les grandes villes du monde qui cherchent les blancs sur internet en allant se maquiller, faire des nyanga, faire de ces choses là pour avoir les blancs. Parle-leur. Mes soeurs, les soeurs ivoiriennes, les soeurs du monde entier, vous qui partez sur internet, comme moi hier dans le passé, je t'ai perdu aussi, je partais dans les bois de nuit, je me maquillais, je mettais les tissages, les fossiles, les tatouages, tout ça là, j'allais chercher blanc. Tout ça là, le Seigneur dit c'est pas bon. Donc quittons dans ça. Arrêtez d'aller vous vendre dans les bois de nuit, de passer votre temps, dit que si je ne vais pas faire ça demain, je ne vais pas manger. Dieu, là, quand il t'a crié, il savait qu'il allait te donner à manger. Donc, on arrête tout ça. Arrêtez tout ça là-même. D'aller chercher blanc. Si blanc, là, Jésus dit, tu dois marier blanc, là. Tu vas monter au ciel, tu vas descendre blanc, là, mais il va venir te trouver. Mon mari avec qui je suis aujourd'hui, là, je ne l'ai pas trouvé en boîte, il est trouvé devant un supermarché. Donc, blanc, là, on peut trouver partout. Tu n'es pas obligé d'aller te mettre fossile. Souvent, même quand on est naturel, là, c'est ce que les blancs, ils aiment. Mais nous, on veut vraiment aggraver. Laissons tout ça la tomber et cherchons la face de Dieu. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Amen. Tu n'auras pas dit que tu as vu le bois sur ta tête, que tu n'as pas acheté sur le bois. Le bois, puis quand tu as enlevé. Mais ce qui me donne dans ce sens, c'est que ça veut dire que tu avais deux qualités. Oui, j'avais. Et quand on a enlevé la qualité, l'autre est venu rester. Oui, j'avais l'un que j'ai enlevé, j'ai lavé, j'ai mis, c'était gardé dans la chambre. Il y avait naturel, puis il y avait synthétique, c'est ça? Il n'y avait pas de synthétique, les deux étaient pareils. Oui. J'avais deux. C'était de longueur d'ailleurs qui différenciait. J'avais le long et le court. Oui. Le long, il était naturel, il était posé parce que j'ai changé. Je venais à peine de changer. Oui. Et j'ai mis le court. Oui. Et puisque ils ont tiré le long et puis ils l'ont enlevé. Le cou est venu s'installer. Installé. Et quand je me suis levé, celui qui m'a fait plus peur, c'est le cou. Oui, parce que c'était le cobra. Oui. C'est le cou. Donc, il était sur ma tête. Dans lui, quand je me suis levé, j'avais tellement peur. c'est quelque chose que j'ai vécu. Donc, c'est moi ce qui sais ce que j'ai ressenti en ce moment-là. Donc, les gens en soi... Qu'ils arrêtent d'acheter les faux cheveux, là. C'est pas bon. Adresse-toi au pasteur qui part en voyage, il garde ça à leur femme. Il y a des pasteurs qui achètent ça à leur femme. Qu'est-ce qu'il leur achète alors ça? C'est pas l'argent des offrandes des dîmes et qui ont pas d'acheter là quand il n'y a pas d'admission. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Merci. Ou bien le pasteur fait comment alors? Il continue à acheter? Non, il arrête. Le pasteur même là, il est plus dans l'erreur même que nous parce que c'est lui qui doit nous enseigner ça. Mm. Et si lui s'en paye pour donner à sa femme, c'est que c'est pas vraiment la Bible là qu'il fait. Hein. Oui. C'est pas mais peut-être celui qui a dit que Dieu ne regarde pas à l'extérieur, il regarde seulement à l'intérieur. Mais c'est ce qu'ils disent tout le temps. C'est ce qu'ils disent. Dieu, il n'y a pas le physique, c'est le cœur qui quand regarde. Quand il est venu dans la nuit là pour délivrer, donc c'est pas il a enlevé c'était où? Sur la tête. Oh, ok, c'est bon. Le petit là est venu se mettre où? Sur la tête. Bon, maintenant, je te pose la question directe avant qu'on arrête. Quel était le but même pour lequel tu mettais ça sur ta tête? Quel était le but, le vrai but? C'était de séduire mon mari. De séduire mon mari et puis me montrer aux gens que je suis belle. Ok, c'est bon. Ma soeur, quel conseil donnes-tu aux gens maintenant qui sont en train de boire le lait maintenant, de l'autre côté, en mangeant la manne et buvant le sang de Jésus? Est-ce qu'il y a un endroit où dans la Bible on doit boire le sang de Jésus? Non, ce n'est pas écrit. Le conseil que je les donne, ils n'ont pas se revoir quoi. Aller dans la Bible, chercher la vraie face de Dieu, c'est là-bas toutes les paroles se trouvent. Oui. Parce qu'on était perdus. Oui. Mais nous, Dieu nous a fait grâce, on lit maintenant la Bible, on connaît tout. Oui. Donc, eux qui sont là-bas, là, ils n'ont qu'à se revoir. Oui. Ils n'ont qu'à se passer le lait, on boit. Le sang de Jésus, on boit. Oui. Maintenant, tu dors dans les rêves. Chacun voit en lui, c'est pas qui sort. Oui. On n'a qu'à comprendre. Oui. Pourquoi ce n'est pas souvent qui sort déjà? Oui. Bon, chacun n'a qu'à se revoir, n'a qu'à se retourner à la Bible, c'est mieux pour eux. Maintenant, par rapport à l'erreur que vous avez dite ici, donc vous cherchiez plutôt les miracles que Dieu. Les gens qui vivent dans les difficultés maintenant, dans tout le monde entier, on nous écoute maintenant, qui vivent dans les difficultés, qu'est-ce qu'ils doivent choisir, chercher pour ne pas faire la même erreur que vous avez faite? Premièrement, n'a qu'à chercher la face de Dieu, c'est Dieu qui bénit l'homme. Si Dieu veut te donner, il va te donner. Si il dit te donne pas aussi, c'est pourquoi il te donne pas. Si tu cherches la foi de Dieu, il ne va jamais te laisser comme ça. La nourriture, là, tu vas trouver pour manger. Nous, on est partis, on dit qu'on partait chercher bonheur. Oui. On allait payer des esprits maintenant pour mettre en nous. Oui. Voici, on souffre. Oui. Si ce n'est pas par une grâce, comment on va faire pour connaître que si on rentre dans la Bible pour lire la parole de Dieu, on peut être délivré. Oui. Ne partez pas chercher délivrance dans les églises, ça se trouve dans la Bible. Amen. C'est mieux pour nous. Amen. Y a-t-il quelque chose encore à ajouter? Prions. On va prier pour tous ceux qui nous écoutent, d'accord? Je vais d'abord remercier le Seigneur pour vous, pour ce qu'il a fait dans votre vie et ce qu'il va continuer encore à faire, d'accord? Ce n'est que le début d'un long parcours avec lui, d'accord? Seigneur, nous te remercions, nous te rendons grâce pour ce témoignage qui honore et glorifie ton nom. Car en toute chose, c'est toi seul qui a été glorifié. Seigneur, je te remercie pour ces soeurs et pour tous ceux-là donc qui nous écoutent dans le monde entier maintenant. Merci, Père de gloire, pour ce que tu vas faire. Pour ces autres personnes, Père de gloire, à qui tu as montré ces choses et qui philosophaient, et que pour une fois encore tu les fais tomber sur ces témoignages pour les avertir et les sonner, donner la sonnette d'alarme dans leur cœur, qu'elles changent au nom de Jésus. Seigneur, je te remercie, Père, pour ces enfants. Merci parce que tu as permis que ta fille sorte, ô Dieu de gloire, loin de la France pour venir ici pour sa délivrance. Merci, Père de gloire, pour ce que tu as continué à faire dans leur vie et dans sa vie particulièrement. Je prie, Père de gloire, pour toute personne que tu as destinée dans ta gloire, dans ta souveraineté. Qu'ils prennent en compte, ô Dieu, ce qui est dit ici, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, ô Dieu de gloire, pour ceux qui marchaient dans la voie de l'iniquité, que tu leur donnes de retrouver la voie de la lumière et de marcher dans la sainteté, car les jours sont mauvais et le moment de ta venue s'approche à grands pas. Donne-nous de veiller sur une autre lampe de gloire afin que ça soit toujours allumé. Donne-nous d'avoir de l'huile dans notre lampe pour pouvoir veiller ces dernières heures sombres de ce monde aussi, Père. Je te recommande ces âmes entre tes mains et tous ceux-là qui t'écoutent. Bénis-les et délivre-les au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.